CFOU 89.1. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Le plan d'aujourd'hui, Assemblage requis. Ingrid Erdeberg sera avec nous pour parler de l'horloge biologique dans la course au trésor. Stéphanie Paradis nous donnera un avant-goût du plus récent numéro du journal Zone Campus et Sébastien Dulé racontera la deuxième partie de la vie de Vicky Gendreau dans Fanfare. J'y suis, Assemblage requis, tout de suite. Bon matin, bienvenue à Assemblage requis en ce mercredi 2 octobre 2013. Et Jean-Philippe Charbonneau. Et les Mathieu Plante. Rock Tub. Yeah! quand il y a une intro avec Sébastien Dulé, il faudrait que je mette juste deux affaires dedans pour avoir le temps de dire son nom de chronique au complet. Ah oui. Ingrid me demande pendant l'intro, pendant que la musique jouait, c'est quoi le nom de la... De la chronique? C'est quoi? C'est Va voir ailleurs, j'y suis. Mais il faut que je prenne une pause dans chaque mot pour réussir à le dire. T'sais. Plus une petite sniff de ta pompe à asthme. Oui, c'est ça. Si seulement. Je suis pas encore diagnostiqué. T'sais. Non. Que... C'était pour le gag. Voilà. C'est un gag réussi. Parmi tant d'autres. On a 2 heures pour en faire des gags tous ensemble en direct ici à Assemblage requis. Et aujourd'hui à l'émission, on va avoir à 8h Stéphanie Paradis et sa chronique Zone Campus. Donc on parle du plus récent numéro qui est en kiosque à partir d'hier. Oui. Au passé, c'est... Il est là aujourd'hui, ça. Il est là, quand même. Coquerez-vous-le. Oui. Coquerez-vous-le. Coquerez-vous-le. C'est ça. Oui. Ensuite, à 8h30, Sébastien Dulude, qu'on n'a pas en direct en studio, qui est venu nous préenregistrer ça dans le passé, mais sa chronique va voir ailleurs. J'y suis, comme j'ai dit. Cette semaine, c'est la deuxième partie de Vicky Gendreau, l'histoire de sa vie. Elle est décédée, c'est une poète trifluvienne. Et la troisième partie sera la semaine prochaine. C'est pour ça qu'on l'a comme reculé. Ou avancer dans le temps pour avoir les deux dernières parties 2 semaines suivantes. Hein, ça donne drôle de même. Hein. C'est pas du tout parce qu'on a eu une chroniqueuse qui pouvait pas venir aujourd'hui. Non, on n'a pas fait aussi comme au cinéma. T'sais, d'extensionner le plus possible pour avoir du box-office et tout. C'est ça, on a filmé les 3 chroniques en même temps. Mais on va vous sortir ça une fois par année. C'est ça. Et à 9h, ce sera Sex Mais ça devrait répondre là à la chronique de Gadget Inutile. Parce qu'aujourd'hui, on est mercredi aux 2 semaines. Hein. Ben, en fait, on est mercredi à chaque semaine, la plupart du temps. Mais Lily Brunet-Saint-Pierre va être de retour dans 2 semaines. Elle qui était supposée être aujourd'hui. Et Véronique Mire, elle, c'est la semaine prochaine. Donc, tout le monde est en stand-by sur le rond, dans l'arrière, dans l'avant. Tout qu'un plan. Du fond, c'est ça. Ouais. Le rond du fond. Oui. On va commencer avec Ingrid, par contre, dans quelques minutes. Hé, ho, ho. T'es contente? Oui. Mais avant ça, je te propose une pièce qui va très bien avec le déjeuner. Hein. C'est petit pain de panache. J'appelle ça toast au beurre. Assemblage, oui. Pas de punchline, c'est juste ça. C'est la toune rôti. Rôti de porc? Non, rôti. Juste des rôtis. Rôte petit? Non. Burp. Hors de toast. Je ne ferai pas le camp d'entraînement. Je n'y serai même pas évidemment. Pas de médaille du gouverneur général. C'est congénital chez moi. J'y vois pas pour we panache. Petit pain rôti. Hors de toast. Ah ouais, hein? Mm-hmm. Moi, tantôt, le rot de petit, c'était comme une affaire pour les enfants. C'était comme une blague, là, comme qui fitait. Ouais. Je trouvais, mais personne ne l'avait vraiment compris. Style. Ah! On accueille Ingrid Arneberg. Voici la course au trésor. Salut Ingrid! Bon matin! Ça va bien? Oui, très bien, merci. Est-ce que tu connais Jean-Philippe? Jean-Philippe, Ingrid? Oui, on se connaît! Première émission, hein? On l'a faite ensemble. Ah, la première, hein, ouais, je me rappelle pas. Ah, bah. Donc aujourd'hui, dans la course au trésor, on parle de l'horloge biologique et pas seulement pour les filles, mais pour les gars aussi. Oui! Mm-hmm. Mm-hmm. Intéressant. Mm-hmm. Pas le film. Non. Non. On aurait déjà plus compris à la base. Ah, oh, ça m'a tellement découragé ce film-là. Ah oui? Ah, je suis sortie de là complètement troublée. J'étais vraiment découragée, je pense. C'est quand c'est sorti, en tout cas. J'avais la jeune vingtaine et j'étais complètement désillusionnée. C'était clair. Non, c'est vraiment pas pour toutes les filles, là. C'est pas encourageant. Bref, l'horloge biologique. Quand on parle d'horloge biologique, ça vous dit quoi pour vous? Ça moi, fait bio. Oui, horloge biologique, dodo, sommeil. Oui. Oui, oui, oui. Non, moi, avancer l'heure. C'est horloge biologique, c'est vouloir des enfants, c'est ça? Oui, désir d'enfant. Ouais, hein? T'es pas du tout plugué, Mathieu. T'es sauvé. T'es sauvé. Mais oui, effectivement, on parle par rapport au désir d'avoir un enfant. Pour plusieurs femmes, leur horloge va se mettre, on dit, à faire tic-tic-tic-tic-tic vers la fin trentaine. Tu fais snooze jusqu'à quand? Ben, c'est ça. Ils font snooze longtemps, mais c'est pas nécessairement un désir d'avoir un enfant seul. Ça va être souvent vers la fin trentaine, début quarantaine, qu'on va trouver ces femmes-là qui vont choisir entre carrière et famille. Et là, ils vont faire le choix de privilégier la famille. Ce qu'elles n'ont pas nécessairement fait durant leur vingtaine, leur trentaine. Donc, elles sont tannées d'attendre le prince charmant. Elles ont subi soit plusieurs échecs amoureux, ou soit elles n'ont pas trouvé l'homme avec qui elles voulaient faire des enfants, ou les hommes qu'elles ont rencontrés n'en voulaient pas. Mm-hmm. Ça arrive, ça aussi. Donc, elles font vraiment le deuil de la famille traditionnelle. Donc, ces femmes-là, c'est vraiment... Il y en a qui vont le voir comme un choix égoïste. Elles-mêmes vont se questionner, est-ce que c'est un choix égoïste? Est-ce que je veux vraiment... mettre un enfant au monde sans qu'il y ait de père, sans qu'il y ait un autre partenaire avec moi pour l'élever. Mais c'est des femmes qui ont un désir de partager aussi ça à deux, là, la grossesse, l'accouchement et tout, mais elles ne peuvent pas parce qu'elles sont rendues à 40 ans. 40 ans, on connaît que par rapport à la trisomie, il y a des risques augmentés et tout. Donc, ces femmes-là, puis la fécondité est très, très, très diminuée. Donc, c'est des femmes qui vont se dire, ben c'est maintenant ou jamais. Oui. Donc, vers qui elles vont se tourner? Vers qui? Attention. Là, est-ce qu'il faut qu'on sorte des réponses potentielles? Oui, des vraies réponses. OK. L'adoption. Oui! Oui, okay. Faire élever l'enfant par une famille de loups. Non. Elles veulent un enfant. Okay, okay. Elles veulent élever un enfant, Mathieu. Mais pas des enfants filochés. Ils vont filochés, c'est bon? Ils vont se retourner vers le Lovers. Le bar à Montréal pour les plus vieux. Oui, mais tes chances à 40 ans d'un one night tombé enceinte. Ça peut être moins bon. Ouais. Insémination artificielle. Oui, exactement. Oui. Okay. Donc, c'est des femmes qui vont aller vers des cliniques d'insémination artificielle. Elles vont aussi aller, des fois, se chercher un donneur aux États-Unis. Parce qu'aux États-Unis, les donneurs de sperme, tu peux avoir un contact avec l'enfant après. L'enfant peut avoir un contact avec le donneur après. C'est des banques qui sont ouvertes à ce genre de relation-là, tandis qu'au Canada, tu n'as pas cette opportunité-là. Si tu as des donneurs comme ça, est-ce que tu peux aussi avoir des prêteurs? Non, tu peux pas. C'est un don. Un don. C'est comme le sang. Okay. C'est sorti. Okay. Ça rentre pas. Bon à savoir. Oui. Donc, bon, c'est vraiment des femmes qui veulent vivre la grossesse, puis qui vont se tourner vers les deux moyens qu'on a parlé, l'adoption et l'insémination artificielle. Qu'est-ce que ça prend, ces femmes-là? Ça prend vraiment beaucoup de courage, une volonté de faire. C'est un désir de bébé plus que tout. Je veux un bébé. Et c'est pas parce que t'as un enfant seul que tu vas avoir le double des congés de maternité. Non. T'auras pas la portion du père, ça. Non, il est pas là. Pas là. Non, puis c'est vraiment... Il y a des femmes qui se disent... C'est un choix très conscient. Faut que t'aies un bon réseau. T'es tout seul. Il y a pas un autre partenaire avec toi pour Se lever la nuit, prendre. Tirer sur ton matin à te lever. Ouais. Non, c'est pas une option. Il y en a qui peuvent être plus, ben, pas chanceux, mais tu sais, ceux qui ont peut-être une famille qui est peut-être plus proche d'eux, peut-être qu'ils vont pouvoir avoir de l'aide quand ça même, prend, la mère. Ça te prend un bon réseau d'amis proches. Ouais. Et ces femmes-là, il y en a certaines qui sont séparées, par exemple, qui vont dire: « Ah, oh, mais t'es chanceuse, toi. T'es toute seule avec ton enfant. T'as pas à partager la décision avec un ex que t'aimes plus, avec qui ça va pas bien. T'es donc bien chanceuse de pas avoir à te questionner sur l'éducation de ton enfant. T'es toute seule. » Ça double tranchant, ça. Ça double tranchant. Fait qu'il y a du bon comme il y a du mauvais, là. Ça dépend de d'où est-ce que tu te places puis de quel côté tu vas te placer. Donc, ça prend aussi un donneur de sperme. Oui, ben oui. Ou une fiche d'adoption. Hein. Et bien du cash dans ce cas-là. C'est ça pour l'adoption, c'est ça. Parce que t'achètes quand même ton enfant. Hein? Ça reste un don à l'orphelinat, mais c'est... Tu peux l'appeler produit toute sa vie. Coke. Hey, toi, là, tu m'as coûté assez cher. Là. Tu vas dans ta chambre à plusieurs. Tu vas en faire la vaisselle. Et ça prend également des spécialistes pour épauler ces femmes-là. Mmh. Elles peuvent se tourner vers des travailleurs sociaux, des psychologues ou des gens spécialisés en enfance, en comportement de l'enfance, pour savoir quoi répondre quand ton enfant va à la garderie. Il y a 4 ans, il y a 5 ans. Hey, il n'y a pas papa, moi, dans ma vie. Il n'y a pas deux mamans, il n'y a pas deux papas. Il n'y a pas de papa. Mm-hmm. Alors, qu'est-ce que tu réponds? Donc, ces femmes-là vont souvent aller chercher de l'aide. Ouais. C'est très bien, ça se sent pas ça. C'est vraiment un choix personnel. C'est tout aussi valable, c'est ça. C'est juste on le voit de plus en plus. Mm-hmm. Puis c'est vraiment le taux de femmes célibataires qui élèvent des enfants n'a pas changé, le pourcentage, mais la démographie à l'intérieur a changé. Donc, c'est plus nécessairement des mères adolescentes ou des malgré mères... ce Musique Plus voudrait qu'on en pense avec les mères adolescentes. Sans cesse. Oh mon Dieu. Mm-hmm. Mais c'est ça? Ouais, je peux pas croire que tu remets ça à la table. Excuse-moi. Musique Plus. Ça a t'abalangé. Oui, exactement. C'est vraiment fascinant, cette émission-là. C'est qu'année après année, les filles, elles regardent ça puis font comme « Hey, je vais tomber en fin de barrer. » Ça va cool. Ils font des sextapes après ça puis ils gagnent des centaines de milliers de dollars par année oui, en vendant leur corps. Il oui. y en a une de l'édition 1, je pense, ou 2 qui a fait ça. Je connais ça pas jusque-là, par contre, de savoir dans quelle saison c'est. Ma soeur, elle achète les In Touch. Je suis au courant. Ah, In Touch, le magazine. Oui, mm-hmm. Le magazine. Je mets JP en contact. Alors, dédicace à Justine. Salut Juicy. Que tu connais parce que t'as fait la. C'est Juicy Juice! Mais ma soeur, là, piou piou. Ah non, l'autre fille, ok. Ouais, l'autre Justine, excuse-moi. Je savais pas qu'il y avait deux Justine dans ma vie. Tu l'as croisé à peine une fois, mais c'est correct. Et pas dans ma vie, bon, d'accord. Non, pas vraiment, mais sur le campus. Ouais. Donc, il existe aussi l'horloge biologique des hommes. Là, j'aimerais faire une distinction. Quand on parle de l'horloge biologique des hommes, on parlait plus d'un désir d'enfant. Donc, c'est pas vraiment « c'est ma dernière chance, moi, de porter un enfant », mais plutôt le désir d'avoir un enfant. Parce que vous allez comprendre avec ce que je vais expliquer un peu plus tard. Donc, oui, ça existe chez l'homme, le désir de l'enfant, là, le « fever baby ». C'est une envie qui est réelle, qui est physique, puis qui est souvent là, viscérale. Là. Pour les hommes, là, ça devient aussi viscéral que les femmes. Donc, c'est pas exclusivement féminin, malgré ce qu'on pourrait croire. Les hommes, aussi, à leur manière, vont exprimer un sentiment d'urgence qui va être souvent lié à l'aube de la quarantaine. Donc, c'est vraiment un désir. C'est pas « je sens que mon corps ne peut plus produire un enfant ». C'est pas la même chose, on n'est pas dans la même gamme d'émotions. Là. Il y a un professeur aux États-Unis, à l'Université du Kansas, Gary Brace, qui a fait une grosse étude sur le désir de l'enfant. Il appelle ça... il a publié dans la revue Emotion de l'American Psychology Association. Il dit que oui, les femmes sont de manière générale plus portées à exprimer leur désir de l'enfant. Un désir d'avoir un enfant, mais que les hommes aussi vont l'exprimer, mais d'une manière qui est différente, puis souvent plus silencieuse. Mm-hmm. C'est moins sur la place publique, c'est pas nécessairement bien vu, là. Je sais pas pour vous, mais... Laisse moins paraître les émotions. Oui, mais c'est rare que t'arrives dans une chambre de hockey où tu fais comme... Moi, je veux un enfant. Hey, les gars! Genre, mais une soirée sushi, tu sais, c'est une fille qui va dire: oh, j'ai de l'utérus, là, qui me parle un peu plus, ses affaires, là. Ah, qu'on n'a pas les mêmes sujets de conversation. Non. Ouais. On finit toutes par parler de cul, hein. quand même. Mais, bon, c'est quand même intéressant de voir que, inversement aux femmes, les désirs d'avoir un enfant chez l'homme vont en grandissant avec le temps. Donc, dans la vingtaine, c'est pas une priorité pour eux, mais dans la quarantaine, ça peut en devenir une. Je sais pas que tout le monde a ça. Et c'est la même chose pour les femmes. Ben, c'est inversement pour les femmes, en fait. Parce que dans la vingtaine, les filles vont faire « Ah, ce serait le fun d'avoir un bébé et tout et tout. » Et plus elles vont vers la quarantaine, moins c'est comme important. C'est ça, pendant la vingtaine, ils vont dire « Bon, il faut que j'ai un enfant avant 30 ans, avant 35 ans. » Ouais. Mais ça va diminuer. Donc, c'est vraiment inversement. Là, si on parle de désir, là, mm-hmm. d'avoir un enfant, de fonder une famille. Là. C'est pas juste imprégner quelqu'un parce que ça... Non. Ouais, je pense d'avoir 40 ans à le faire. Non. Donc, c'est vraiment comme à l'inverse, l'homme et la femme. Donc, c'est dur de se rejoindre. C'est pour ça que des fois, c'est bien un gars de 40 ans avec une fille de 20 ans. Mm-hmm. C'est un bon mix and match. C'est pas si mal vu. Au niveau du désir d'un enfant, non. Socialement, beaucoup moins. Ah. Tu dis que les enfants, c'est le désir, c'est ça pour les gars, c'est ça arrive vers la quarantaine. Est-ce que ça a un rapport avec le fameux la crise de la quarantaine? Oui, oui, la fameuse crise de la quarantaine. Est-ce la Lamborghini puis un enfant. Ben, souvent, oui, souvent c'est des hommes qui vont se rendre compte que ils ont un désir de filiation. De filiation, c'est de laisser une trace, de laisser une progéniture, une descendance. Donc, ils ont ce désir-là de partager, de s'attacher à un être humain qu'ils ont en quelque sorte produit, et ils vont se rendre compte. En quelque sorte. Qui ont vraiment participé beaucoup. Ils ont mis du sien. Bon. Oui. Peut-être moins que la femme, mais tu diras. En fait, le problème souvent, c'est que c'est ce qu'on voit pas, c'est que c'est la moitié du bagage génétique. Ouais. Mais ce qu'on voit dans une grossesse, c'est que c'est la femme qui porte qui tout. Qui porte, exactement. Puis qui va mettre au monde ça aussi. Fait que c'est pour ça qu'on a l'impression que c'est tellement rattaché à la femme. Mais génétiquement, c'est moitié-moitié. Ouais. Mm-hmm. C'est kiff-kiff, là. Voilà. Mais ouais, vraiment, c'est comme s'il y a des hommes qui se rendaient compte, par exemple, quand leurs parents deviennent malades ou des trucs comme ça, ils font comme « OK, mais c'est moi qui prends les décisions, c'est moi qui s'occupe de mon parent qui est malade, de mon père, par exemple, qui est malade, c'est moi qui prends les grandes décisions. » Et ils réalisent « Moi, j'ai pas d'enfant pour faire ça si je suis malade plus tard. » Donc, ça va être vraiment dans des constats de vie comme ça que ça va plus apparaître. Là. Donc, oui, la crise de la quarantaine. Vraiment. Puis pour un homme, d'un point de vue économique, faire un enfant, c'est pas nécessairement un bon investissement. Pour les hommes, ils voient pas ça comme un bon investissement. Un enfant, ça coûte cher. Mm-hmm. Ils voient pas ce que ça apporte émotionnellement, psychologiquement. Puis ils voient pas aussi qu'ils ont pas le côté biologique de la filiation, justement, de laisser une descendance, de laisser une trace. Donc, ils voient pas ça. Puis souvent, les hommes, ce qu'ils vont dire, c'est que à 20 ans, à 30 ans, j'avais pas ça dans ma tête. J'avais bien d'autres problèmes. C'était pas ça mon focus. Tandis que tu vois, les femmes de 20-30 ans sont plus dans « moi, j'ai envie de m'installer, de créer une famille et tout ». On parle d'une majorité, de pas tout le monde. C'est exception à la règle. Mais on va vraiment dans ce genre de relations-là et de schéma de personnalité. Donc vraiment, les hommes sont plus dans la fin de quarantaine, puis les filles sont plus dans la vingtaine. Donc, c'est assez intéressant de voir la différence entre les deux. Mmh. Puis, j'imagine, historiquement, ça change avec le temps. Tout ça, c'est une question vraiment c'est une question plus sociologique. Puisqu'il me semble, les hommes avant voulaient avoir justement des enfants pour pouvoir travailler dans les champs. Pour les faire travailler, exactement. Oui, Puis, les grosses familles de 12 enfants et tout. Ben oui. Mais il faut que tu reviennes à l'époque, c'était très judéo-chrétien. Oui, oui. Donc, c'était le clergé qui encourageait de vraiment faire des enfants, faites des enfants, faites des enfants. Puis aussi, tu sais, il n'y avait pas toutes les politiques d'assurance maladie qui sont arrivées dans les années 70. Donc, vraiment, il y avait beaucoup de morts infantiles au Canada, plus qu'on pourrait penser. Qui est aujourd'hui admissible, en fait, parce que depuis la carte soleil, ça a vraiment diminué les morts infantiles. Donc, c'était une histoire de « il faut qu'il m'en reste oui, un peu ». Il faut qu'il m'en reste. C'était vraiment un mode de « faut que j'aille des enfants, faut qu'il y ait une descendance ». Puis on pense aux rois, vraiment plus vieux, là, les rois ou les trucs comme ça, ça prenait une descendance masculine, fallait que tu puisses porter le nom. Donc, puisses donner le nom de famille. Maintenant, on voit moins ça. Je te dirais que ma génération, c'est beaucoup une génération de noms composés. Oui. Et nom de famille. Et oui. Oui. Hein? Et pour voir en maison, ben, tu sais, moi, c'est une grille d'Arnebourg-Jonca, en théorie. Ah, sans blague, je sais pas. Mais non, c'est pas. Fait que dans le fond, ma blague d'Angry Bird Space, ça avait du sens, enfin. Oui. Fait que j'en coupe un. Moi, j'en coupe un. C'est Angry Bird Jonca. Passage. Angry Bird Jonca. Mais oui, c'est ça. Fait que tu vois maintenant ça dans les maisons de naissance, c'est plus le nom du père qui revient. Oui. Fait qu'on revient plus dans un modèle traditionnaliste, là, comme quoi tout le monde est en train d'écrire genre 8 noms. C'était devenu compliqué parce que, tu sais, si les deux parents ont des noms composés, c'est quoi, tu tires au pile ou face, t'as même pas assez de côté à ta scène, t'sais. Tu penses à Yvon Deschamps aussi avec sa joke qui met des noms à rallonge, là, puis ça te fait. Non, ça te dit rien si t'as mon nom. Bon, c'est pas grave. Puis après ça, ces gens-là veulent devenir journalistes. Ça rentre pas dans les petites cases pour les... Non. Félix-Antoine Desilets-Rousseau, là, ça rentre pas dans la case. Ça rentre pas. Mais il y en a à Radio-Canada, là. Tu vois, les petits jeunes, l'été, là, c'est long! Ça peine, ça fait le bas de l'écran. Il faut comme... l'écran à 16-9. Vraiment, pas de choix. Pas de choix. Une chance, les nouvelles télés se sont adaptées. Une chance. Tu vois, la technologie s'adapte. Et voilà, ben c'est ça l'horloge biologique. Merci Ingrid, c'est très intéressant. Pour vrai, je pense qu'on on savait pas qu'il y avait quelque chose d'équivalent masculin à l'horloge biologique. Même si c'est pas aussi physiologique, physionomique, physiologique. Mais ça reste physique. Que c'est très viscéral pour ces hommes-là. Ces hommes-là disent vraiment, j'ai un besoin d'avoir un enfant là, qui est tellement, tellement grand. Puis c'est encore une fois, c'est le même constat, c'est que c'est des gens qui n'ont pas trouvé le partenaire idéal pour le faire. Mm-hmm. Qui t'arrivent à la quarantaine. Et t'as de plus en plus de gens comme ça. On retrouve beaucoup de célibataires qui n'ont pas nécessairement de il y a de plus en plus de célibataires, en fait. Il y a de moins en moins de couples, puis il y a de moins en moins de couples qui habitent ensemble. C'est vraiment un constat qu'ils ont fait dernièrement, sociologiquement. Ouais, mais on va te retrouver pour parler de d'autres sujets qui vont être aussi intéressants que ça la semaine prochaine. Effectivement. Ça va être mardi à 7h30 en tout début d'émission. Et puis, on te remercie encore une fois, Ingrid. C'est toujours un plaisir. Merci énormément. Nous, on retourne en musique un petit peu, entendre une pièce de Bear Mountain qui s'appelle Two Steps sur la palmarès anglophone. On écoute ça à l'instant. Et puis après ça, ben, Colin, il y a d'autres choses qui s'en viennent, entre autres la chronique de Stéphanie Paradis. Oui. Au Zone Campus, là. Oui, oui, oui. Après, ça dit quelque chose. Après Horloge biologique, à la place, ça va être Date et heure journalistique. Wow. On va la travailler pendant la toune. C'est chaud, là. C'était mauvais. Je vais t'en sortir. Retour à la chronique Zone Campus avec Stéphanie Paradis. Ouh. Ouh. Les portes du paradis ouvrent-nous. Tu me passeras 4 pages. Rassemblage qui pour toi aujourd'hui. Vous êtes dans la zone 89.1. C'est fou. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Vous êtes toujours à Assemblage requis en ce mercredi matin du 2 octobre 2013. Jean-Philippe Charbonneau, c'est lui-même. Mathieu Plantier, l'autre. Lui-même. L'autre. L'option numéro 2B. Numéro 1. Ah. Ah, moi, je suis 2B. Okay. On est B1 puis B2. Bingo, bingo! Stéphanie, c'est quoi sa lettre et son chiffre? Non, B1, B2, tu comprends pas, c'est des bananes. Non, je comprends pas. Les bananes en pyjama! Mathieu! Les bananes! Ah, puis je connais juste la chanson. Mais ils s'appelaient B1 et B2, comme banane 1 et banane 2. Moi, tout ce que je connais, c'est genre les crayons plomb. Qu'on prend évidemment le crayon... H7. H7? Non. C'est pas la mine? Oui, la mine. Prenez un crayon à mine... C'est quoi la... HB? HB. Ah, en tout cas, je voulais faire une joke d'écriture d'article pour le Zone Campus. Zone Campus, offert gratuitement. C'est ça qu'on dit que c'est raté? Là? Comment? C'est ça qu'on dit quand c'est raté? Je pense que c'est ça qu'on dit quand c'est raté, Zone Campus. Zone Campus, offert gratuitement à l'UQTR et dans plusieurs commerces à Trois-Rivières. Zone Campus, un journal qui frappe. Oh, tout pas timé pendant toute cette affaire-là. Hein? Ouais, mais c'est pas grave, on n'a pas eu du premier coup la mouche. Non. Ouais, c'est ça, c'était une attaque, c'était un bombardement. Ouais. Des essais. Donc, Zone Campus, volume. Tu parles des aisselles. Volume 9, numéro 3, premier au 14 octobre 2013. 24 pages, toujours gratuit, toujours bimensuel. Sur la une, Zone Campus, cette fois-ci, on trouve le pavillon à la vie étudiante. Encore une fois, le numéro 1 de la saison avait aussi le pavillon à la vie étudiante. Par contre, c'était juste pour montrer qu'il existait. Là, maintenant, c'est pour dire qu'il est inauguré et ils ont coupé le ruban. On en parlera dans quelques secondes. Coupe le ruban, Mathieu. Coupe le ruban. Mais, important aussi sur la une du journal, des super coupons pour le Heltaouk. Et Colin, puis on dirait que Mathieu Roy... président de l'OGE, est en train de couper des coupons dans le Taouk parce qu'il me parle de ciseaux dans les mains. C'est comme un genre de chassage de promotion croisée. Donc, parlons-en tout de suite du pavillon à la vie étudiante. Pourquoi pas? C'est ce dont on vient de discuter juste là. Pourquoi pas? Donc, et voilà, mais le pavillon est inauguré. Donc, l'Association générale des étudiants de l'UQTR a procédé le 18 septembre dernier à l'inauguration. Donc, le pavé, comme on peut dire en abrégé. Donc, étudiants dignitaires et partenaires associés au projet étaient présents. Donc, oui, en plus de tout ce qui était très formel, il y a aussi eu un party pour les étudiants en soirée. Donc, il y avait des hot dogs, des hamburgers qui étaient distribués aux étudiants avec des activités aussi dans les locaux des différentes associations. Superbe. Moi, je trouve que c'est pas conséquent, tu te remarques comme ça, là. Tu sais que l'AGE et QTA, ce soit AGE et non pas AGE parce qu'ils veulent pas avoir d'accent dessus, mais que pavé, c'est pavé, non pavé. Moi, juste comme ça. Moi, je suis de même. Parce que quand on marque AGE et QTR, ils sont pas contents. Ben moi mais non plus, je trouve pas ça beau. Moi non plus, mais pavé, même chose. Ben là, c'est un pavillon versus une association. Peut-être que... Je sais pas. Ouais. On leur demandera. Toujours en actualité, 20e anniversaire du laboratoire d'anatomie. Oui, donc mieux connaître le corps humain en laboratoire. Donc, c'était une journée porte ouverte pour le laboratoire. Donc, je sais pas si vous savez qu'il a été ouvert en 1993. Oh. Alors pourtant, à cette époque-là, la tendance, c'était plutôt vers la réduction de cette pratique-là. Mais aujourd'hui, le laboratoire à l'UQTR, c'est devenu le plus grand et le plus performant au Québec. Et ça sert beaucoup à plusieurs programmes, là, en chiropratique, entre autres, les étudiants en médecine des autres campus qui viennent même pratiquer jusqu'ici. Donc, c'est très intéressant, on peut voir toutes les possibilités qu'offre le laboratoire. Moi, tu vois, anatomie, là, je trouve que c'est comme le prénom Marie-Philippe. Marie-Philippe, c'est comme une fille puis un gars. Fait que dans le futur, en 2022, les enfants vont s'appeler anatomie, comme Anna de fille puis Tommy de gars. Tommy. Anatomie, ah, ben ouais. Anatomie, salut Anatomie. Ça va bien, Anatomie? C'est un gars, c'est une fille, on sait pas. Ouais, mais anatomie, honnêtement, c'est... Puis quand tu vas vouloir être un peu plus fancy, tu peux l'appeler Tony. Anatomy. Anatomy, mais c'était Tommy, là, mais Tommy. Moi, ouais, je sais, mais. Tony. Anna, oui, ben, dans Mafia, mettons. Oui. Anatomy. Tommy. Ça, c'est comme appeler sa fille Marie-Joanna. Marie-Joanna. Oui. Toujours en actualité. Maintenant, participation citoyenne. Donc, oui, c'est le jeudi 26 septembre dernier. C'était la formation, pardon, Participation citoyenne, développement et intégration. C'était à l'UQTR. Donc, l'événement a été organisé dans le cadre de la tournée mauricienne d'influence. C'était avec la collaboration de la table de concertation du mouvement des femmes de la Mauricie et le Forum jeunesse Mauricie. Donc, lors de cette formation-là, c'était organisé par la GIE. Les participantes ont pu échanger et apprendre sur le rôle des élus sous l'animation de Cathy Gagnon du groupe Femmes, Politique et Démocratie. Le GUFPD. Malheureusement, ils n'ont peut-être pas eu autant de participants qu'ils voulaient. C'est peut-être seulement un manque d'affichage, si on veut, de l'événement. Parce que les participantes qui étaient là ont vraiment apprécié, ils ont partagé leur expérience et je pense que c'était très enrichissant pour celles qui étaient là. Donc les autres, tant pis, vous êtes moins enrichis. Tant pis. J'espère que ce ne sera pas trop, mettons, pour vous et que vous n'allez pas passer au suicide, qui est le prochain sujet, la prévention du suicide. Mon Dieu. Bien douteux, je le sais. Oui. J'essaie de ne pas dire tout le temps et maintenant on parle de lui. Ouais, t'es peut-être. Je vais continuer à dire, on parle. De... Ouais, c'est ouais. Ça. Ensuite, on parle du lancement du projet Les Sentinelles à l'UQTR. Donc, ça s'est passé à l'Atrium CEU. Donc, c'était les membres du personnel qui se sont réunis le 19 septembre afin de donner le coup d'envoi au projet. Donc, c'est élaboré en collaboration avec le Centre Prévention Suicide Les Deux Rives ainsi que des membres de l'UQTR. Donc, c'est pour préparer des gens pour prévenir justement le suicide. Donc, on veut former des sentinelles qui vont être aptes à identifier les signes avant-coureurs d'une personne suicidaire et de pouvoir les accompagner, être capable de les écouter et de les diriger vers les ressources qui pourront vraiment les aider à long terme, là, parce qu'on veut pas que ce soit juste temporaire, genre ne te suicide pas maintenant, mais demain. Non, c'est vraiment pour prévenir à long terme. Faut pas en rire, hein, parce que sinon j'en rirais en faisant des blagues de sentinelles de l'air. Oui, j'ai la bouche qui... Je suis en train de noter ma blague pour la dire hors d'eau. Gêne-toi pas, faut juste dire je devrais pas faire de blague là-dessus, mais en voici une. C'est comme tu dis, oui. Je suis pas raciste, sauf que, puis voici un commentaire raciste. Oui, c'est la même chose. Ouais. Ouais. OK, ensuite, toujours en actualité, c'est le texte de Laurent Constantin, Voyage au centre du campus. Donc, égalité ou indépendance, chronique du bas campus. Donc, on parle principalement du Michel Sarrazin. On parle un peu de la coupure, si on veut, qu'on retrouve entre les associations qui sont établies au Michel Sarrazin et celles établies maintenant dans le nouveau pavillon à la vie étudiante au Nérébeau-Chemin. Je ne sais pas si vous savez, mais les associations qui sont au Michel Sarrazin n'ont même jamais déménagé dans le sous-sol du Pierre-Boucher, non, n'ont jamais occupé leurs locaux. Effectivement, c'est, je veux dire, si tu as 15 minutes dans une pause, ben tu viens pas à la cafétéria ici, tu viens pas à la chasse-galerie, tu viens pas faire ta pause dans ton local d'association. Donc, eux autres sont installés dans le Michel Sarrazin. Mais on veut aussi avoir leur appartenance. Donc, on parle d'un petit dilemme là, entre les deux. Exact. C'est que l'université voudrait bien leur donner un local au pavillon à la vie étudiante. Ils s'en servent pas, mais ils veulent aussi leur enlever leur locaux au Michel Sarrazin. Donc, ils occupent ce local-là, mais j'espère honnêtement qu'ils vont leur laisser. Je veux dire, c'est un monde complètement à part. Ils devraient vraiment avoir des services seulement pour eux. Tout à fait. On en a parlé avec Laurent hier. Donc, retrouvez la balado-diffusion de l'émission de lundi. Donc, c'était pas hier. C'était avant-hier. Les reprises ici, on ne comprend plus rien. on continue les actualités avec le projet d'intervention communautaire en environnement. Donc, on a des étudiants qui s'intéressent aux boisés de l'UQTR. Est-ce que vous saviez qu'il y a des plantes qui sont en voie de disparition? Moi? Oui, je te Mathieu l'ai dit. Mathieu Plante. T'es pas en voie de disparition, malheureusement. Je l'avais pas, malheureusement. Mon Dieu, pourquoi j'ai dit ça? Oh, fuck! Ta bouche fait des F. Je me sens bien, c'est comme les sentinelles de l'air, là. Donc, oui, il y a des plantes qu'on doit protéger dans les boisés de l'UQTR. Donc, bon, c'est un peu dommage, la photo est en noir et blanc, mais vous pouvez la voir sur le blog en couleur pour peut-être mieux identifier... la dite plante. C'est des qu'elle est bleu-violette. Mais ce que je trouve très drôle, c'est parce qu'en noir et blanc, quand Mathieu avait cadré la photo, il y avait vraiment cadré sur les feuilles. Mais je pensais que c'était ça, la plante. C'est sûr que c'était ce qu'il y avait en bas. Moi, je suis comme, c'est parce que ton cadrage est vraiment poche. Moi, j'ai fait passer ça sur le dos de... Je l'avais juste pas cadré. J'étais rendu là, j'étais pas cadré. C'était pas vrai, pas tout. T'as-tu le pouce vert, Mathieu? Pas tout. Je sais pas ce que je fais avec. J'ai même déjà fait mourir un bambou, soit dit en passant. Je sais même pas comment c'est possible, donc moi, j'ai pas le pouce vert. Okay? Donc, oui, on nous parle des expériences sur le terrain concrètes par les étudiants qui vont vraiment essayer de protéger ces plantes-là. Il y a beaucoup d'autres plantes aussi qui sont disponibles sur le campus, mais qui sont en voie de disparition. Et important de les étudier pour mieux les protéger. Moi, ce que je retiens, deux choses. C'est qu'il y a une citation qui dit « Ça fait un peu mal au cœur lorsque les employés de la ville passent la tondeuse sur les espèces vulnérables. » Fait que je me dis « OK, il ne faut plus passer la tondeuse. » Et deuxièmement, la fille s'appelle Stéphanie Fleur. Je trouve ça vraiment drôle. Vraiment, là, pour une fille qui parle de plantes, j'adore ça. Je trouve ça génial. Je l'avais même pas vu. Ça me fait exploser le cerveau. Fleurant. Ça aurait été drôle, hein, Stéphanie, Plante-Fleurant. Plante-Fleurant, ah, voilà. Fleurant, parfait. Et pour terminer, il y a plein d'autres articles autour de cette section-là, mais on termine avec le portrait-reportage de Myriam Lorty. Au pays des caribous! Ah, ça, je pense que c'est... Non, ça fait pas à où, un caribou. Non, mais je sais pas ce que ça fait. Ça fait fouin! Oui, ça fait pouf quand tu forces dans un champ. Ben là, petite parenthèse, avez-vous vu le film Là-haut? Hop! Non. Oui. Mais quand le petit scout se présente à M. Fredrickson, il fait « Je fais partie de la tribu des caribous. » Wouh! Ça fait que ça doit faire ça. Ça doit être ça. Je vous posterai le vidéo sur Facebook. Parfait, merci. Question que j'ai pas l'air trop fou. Donc, certains diront que ce n'est pas très original de faire un reportage sur des étudiants étrangers provenant de la France, puisqu'après tout, ils parlent la même langue que nous. À première vue, il ne semble pas y avoir tant de différences entre la France et le Québec. Je répondrai que de s'intégrer dans un milieu qu'on croyait très semblable au nôtre est spécifiquement ce qui fait en sorte que l'expérience est déstabilisante. Intéressant. Donc, comme vous pouvez vous l'imaginer, elle a rencontré des étudiants français qui sont ici à l'UQTR. Ils sont magnifiques, ces portraits et reportages. Sérieusement, c'est un succès sur toute la ligne. Oui. Passons société, Mathieu. Cool. Et Stéphanie. Oui. Lily Brunet-Saint-Pierre nous fait sa chronique « L'aplomb dans la tête » et nous parle d'un problème qu'elle a. Oui, donc, intitulé « Le parcomètre ». Ha, ha, ha, ha. Mais MAI, c'est un jeu de mots avec M-A-I-T-R. Oui, donc c'est M-A-I-T-R-E. À radio, ça passe un peu moins. Oui. Ah, pourtant, moi, je l'entendais oui, bien. Oui, hein? C'est un journal devant toi. Donc, je vous lis un extrait. « J'ai un problème mental. Une sale maladie. Je suis en guerre ouverte contre les contraventions. Les contraventions de stationnement, plus précisément en papier rectangulaire, élégamment disposées dans une pochette en plastique sur mesure pour les jours de pluie. C'est-tu pas cute? » Et quand même... très cocasse. En fait, c'est cocasse, mais c'est vraiment pas drôle. Hier soir, elle a dû aller chercher sa voiture à la fourrière, justement, à cause de ces contraventions-là. Je trouve ça tout à fait ironique. Et c'est pour ça qu'elle est pas là avec nous ce matin. Et c'est pour ça qu'elle va nous parler de cet article-là dans deux semaines. Drôle, hein? Oui. Donc, oui, c'est... En tout cas, donc, allez lire ça. Vous allez avoir un bel aperçu de... De la vie personnelle. De son combat de chaque jour. Et comme toujours, Nicolas Gauthier, tout est bizarre avec Nicolas. J'ai comme inversé tout mes... Tout est bizarre avec Nicolas. Oui, j'ai inversé comment je voulais dire ma phrase. Donc, on nous parle de la perte de sens. Le sens, cette vérité qui justifie notre existence. Une grande question existentielle qui influe sur notre quotidien. Pour répondre des vicissitudes de la vie, du nihilisme de la condition humaine, des guerres, des faims et de ces enfants qui ont du sang sur les mains, comment ne pas tenter l'expérience de penser et opposer à cette folie incombée un petit quelque chose de sensé? Il y avait un épisode de Ramdam qui s'appelait Vicissitude, puis tout le monde se demandait c'était quoi Vicissitude, j'ai pas retenu ce que c'était. Oh! J'aurais dû. Ça m'aurait déplacé. Oui. Là, ce qu'on pourrait faire, c'est que tu pourrais arrêter la trame, puis regarder la caméra. Puis faire, je me demande tellement c'est quoi ça veut dire, Vicissitude. Hey, Manolo! Anthropologie moderne avec Stéphanie Gladu. Désobéir à l'obéissance, donc elle désobéit. Donc, cette idée m'est venue samedi matin dernier alors que j'étais assise à attendre une prescription à la pharmacie. Il n'y avait pratiquement personne ce jour-là, alors je m'étais dit « Thank God! Ça va prendre 2 minutes et je vais pouvoir retourner étudier. » Étudier, 2 points. Avoir ses manuels ouverts devant soi en écoutant des vidéos YouTube, en textant et en se mettant du vernis à ongles. Mais il faut croire que je m'étais trompée. Donc, petite anecdote de vie quand même cocasse et savoureuse. De Stéphanie Gladu. Psychologie maintenant avec Kevin Gaudreau entre les deux pôles. Source et transmission du pouvoir, un test de la réalité. Donc là, on nous parle de l'abus de pouvoir qui est vécu sous plusieurs formes et différents degrés, allant de l'abus individuel jusqu'au pouvoir collectif. Il peut d'ailleurs être constaté chez certaines personnes en qui des responsabilités sont accordées et pour qui les bénéfices personnels priment par-dessus tout. Avec Sébastien Dulude, on fait la troisième et dernière partie de « Va voir ailleurs, j'y suis » avec Vicky Was Here. Donc, honnêtement, je ne vous en dirai pas plus parce que ça va être ici en onde. Tantôt. Et tantôt. Que... ben, la deuxième partie, la deuxième, tantôt. Ça. Oui. Et, ah oui, donc vous allez être en retard. Un peu, mais ce que, ben, je continue avant, je vais finir après. Non, ça arrêtait, vous êtes en retard, point. C'est que dans le fond, la deuxième partie était supposée être la semaine passée, elle va être cette semaine, et la troisième va être la semaine prochaine. Donc d'habitude, il serait aux deux semaines, et là, on va les faire back-à-back, pré-enregistrer là et en direct, supposément, la semaine prochaine, les deux et les troisièmes parties. Donc si vous écoutez la deuxième partie tout à l'heure, vous pourrez aller vous procurer la troisième partie en journal, si vous voulez vraiment le punch. En avant-première. En avant-première, oui. Je vais dire primaire. Ouais, moi, j'ai dit première. Parce que c'est le bon mot. Hein? Ça, parce que c'est le bon mois de... Ouais, genre. Okay. Parce que ce serait juste comme en primeur ou en avant-première. En tout cas, je voulais juste vous dire que en lisant ça, j'ai vraiment versé une larme là, devant mon ordinateur, tout ça. J'étais vraiment touchée. Je trouve que la troisième partie, ça vient vraiment bien boucler la boucle. Ça la prenait. Peut-être que certains diraient « Ah, trois, c'est trop. » Non, je trouve que ça vient très bien compléter. Mm-hmm. C'est venu me chercher, puis... je pense que ça valait la peine de lire ça et je suis contente que Sébastien ait partagé ça avec nous. Tout à fait. Et ça doit être lourd, là, mais tout ne peut pas être léger. Mais non. Non, la vie n'est pas légère. Assumons et ne vivons pas dans le déni. Et pas légère non plus parce que c'est pas un mot. Légère, non, c'est pas un mot. Et puis, de toute façon, si vous avez besoin d'un peu plus de légèreté, vous pouvez aller dans la section d'à côté, loisirs, où le petit Zouki illustré nous fait une belle caricature des fameux frais que l'UQTR ne reviendra pas sur le 2$ pour les prêts interbibliothèques. Voilà. Et un peu moins léger, juste en dessous, j'ai commencé le Sudoku et j'ai abandonné. Ah, mais c'est rendu des moyennement difficiles quand même. Mais j'étais toute contente parce que le 1 est très, très facile à placer partout. Hein? Et là, on se rend compte qu'il y a seulement un 8 dans tout le tableau. J'étais comme, ben voyons, donc c'est n'importe quoi. Fait que demain, Mathieu, ma chronique, ça va être, je pars de haut à gauche, puis je fais les lignes, puis je dis la réponse du Sudoku. Ah! Un chiffre par semaine sur une période de deux semaines, mettons? Oui, ça serait parfait. Et, est-ce que tu vas être capable de le terminer d'ici demain? Écoute, check-moi bien aller. Check-moi bien aller. Toujours en caricature, on a Hubert Sanson avec Le Fantasque qui nous parle de la charte des valeurs québécoises. Et juste à côté, on a la chronique de Jean-François Veilleux. Je me souviens, au pouvoir citoyen. Il a oublié entre-temps. Donc, musique métal, révolution par le cri guttural. Donc, on parle du Metal Fest et on essaie, bien entendu, de démystifier un peu... ce qu'on retrouve en arrière du Metal Fest, c'est pas juste... il y a plus que ça, là. En arrière du Metal Fest, c'est les Metal Fesses. Il y a des Metal Fesses. Il y a des fesses de métal. Fesses de métal. Toc, toc, toc, toc. Toc, toc. Pas grand-chose à ajouter. Entrée. Entrée. Ouais, ça, c'est ton problème. Donc, un petit historique du festival ainsi que ce qui se cache derrière... Est-ce qu'on passe en heure spectacle, s'il vous plaît? On passe en chanson avant de faire les heures spectacle, ça dérange pas. Ah ouais? On va couper ça en deux. On va prendre un petit break. Ouais, on mérite ça, je pense. Voici Violette Pie et Princesse Carnivore. À Assemblage Rookie sur C'est Fou, 89 ans. Même si tu es sublime, même si tu es mon sentiment préféré, je ne peux plus te voir, je ne peux plus te voir. Même si tu as mis ta petite robe d'été, il y a des fleurs partout par terre, il y a des fleurs partout sur ta robe. Mais je ne rebrousserai plus jamais ton sentier, mais je ne rebrousserai plus jamais ton sentier. Il y a des fleurs partout par terre, il y a des fleurs partout sur ta robe. Mais je ne rebrousserai plus jamais ton sentier, mais je ne rebrousserai plus jamais ton sentier. Les pieds dans le sable, le soleil jaune d'un dos, rien ne pourrait être plus beau. Ton sourire plein d'émail et ton chapeau de paille, rien ne pourrait être plus beau que toi. Il y a des fleurs partout par terre, il y a du steak partout sur ta robe. Tu es une fleur carnivore, je suis une fleur carnivore. Même si tu es belle, même si tu es sublime, même si tu es mon sentiment préféré, je ne peux plus te voir, je ne peux plus te voir. Même si tu aimes ta petite robe d'été, je ne peux plus te voir, je ne peux plus te voir, je ne peux plus te voir, te voir, te voir, te voir, te voir. Tu es une fleur carnivore, je suis Princesse Carnivore de Violette Pie. Il manquait, je trouve, une fin à cette chanson. Donc, toujours avec Stéphanie Paradis et la chronique Zone Campus, on est rendu en art et spectacle. En art et spectacle. Oh, on devrait avoir une petite musique pour chaque section, hein? Un spectacle. Inauguration de la nouvelle galerie R3. Yay! Renouveau inspirant. Mais je suis contente. Un peu trop, peut-être. OK. Donc, le 26 septembre dernier, devant étudiants, professeurs, artistes et autres distingués invités, qu'a eu lieu l'inauguration de la nouvelle galerie d'art R3 de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Donc, c'est maintenant logé dans un agrandissement récent ajouté au pavillon Benjamin Sulte. Je trouve ça tout à fait logique que la galerie soit avec le pavillon des arts. C'était bizarre qu'elle soit avec le Néré Beauchemin avant, à côté de la sécurité publique, puis de C'est fou. Et de la chapelle. Oui, aussi. Qui est rendue au suzor côté, soit dit en passant. Oui. Donc, c'est une version améliorée de la galerie, j'allais dire de la tristesse, et résolument moderne, qui offre un nouvel élan à l'espace de diffusion et représente une reconnaissance significative. Tant mieux pour eux. Donc, c'est un lieu de formation et un espace de diffusion. Donc, il y a quand même les deux. Les étudiants peuvent en profiter de l'espace. Et il y a déjà une première exposition qui est affichée présentement. Donc, c'est à aller voir. Est-ce que tu sais si c'est encore eux qui vont s'occuper des cadres à la chasse-galerie une fois par mois? Là? Sûrement. Ben, j'ai aucune idée. J'imagine. Probablement. Ça va changer. Leur demander. Ça fait un bout que ça n'a pas changé. Maintenant, dans la chronique « Mieux vaut en lire », la chronique littérature de Marie-Hélène Gauthier, c'est « L'ange de la nuit ». Oui, de Brent Weeks. Donc, le tueur parfait n'a pas de conscience, il a une mission. Le tueur parfait n'a pas d'amis, il a des cibles. Le personnage de l'assassin fascine depuis toujours. On ressent un plaisir pervers à se mettre dans la peau d'un espion, d'un agent de la pègre, d'un tueur. Comment s'en sont-ils rendus à gagner leur vie en supprimant celle des autres? Ces redoutables chasseurs d'humains, leur dextérité, leur silence, leur expertise morbide, leurs exploits meurtriers nous donnent de délicieux frissons dans le dos. Intéressant. On parle d'improvisation ensuite avec la huître. Que les paris commencent! Donc, en fait, c'est le 23 septembre que la huître a officiellement débuté sa saison avec un match où toutes les équipes ont performé. Donc, c'était comme deux mini-matchs. Donc, en première partie, on avait les bleus et les rouges. Et finalement... c'est pas vrai, pas en tout. C'était... Oui, c'est ça. Il me semble que... Bleu, rouge, puis orange et vert après ça. Je pense. Orange et vert, oui. Ouais, c'est ça. Là, j'étais mêlée dans mes couleurs. Je suis pas daltonienne, mais la page est en noir et blanc. C'est ça. Ça excuse tout. Alors, on parle d'art visuel ensuite avec Atsa, dénoncé par l'art. Donc, oui, c'est un projet très intéressant. Vous pouvez voir ça jusqu'au 20 octobre prochain. C'est au centre d'exposition Raymond Lagny à la Maison de la Culture. C'est Atsa 10 ans d'urgence qui aborde plusieurs causes sociales, particulièrement celle des sans-abri. Donc, c'est inspiré de l'itinérance. Donc, il y a eu beaucoup de projets pour aider les itinérants et les sans-abri. Et c'est devenu une exposition pour montrer ce que Atsa a fait pour aider ces gens-là. That's pour celui-là. et on parle de Tremblay, Maxime Desbiens-Tremblay, qui est en spectacle au Gambrinus dans les dernières semaines. Tremblay, une poésie au quotidien. Donc oui, Tremblay a livré une prestation intimiste dans la chaleur de la microbrasserie Le Gambrinus le 17 septembre dernier. Il a présenté donc son projet musical solo Tremblay, sur lequel il a travaillé ardemment depuis 2011. Donc, projet en langue française. Et il nous partage son amour de la musique. Tout à fait. Et parlant de Maxime Desbiens-Tremblay, vous vous rappelez de lui dans le temps quand il jouait Manolo? C'est ce qui nous amène à la Minute Ramdam. Je regarde la caméra. Oui, mais Manolo, c'est quoi ça, vicissitude? Vicissitude? Je dirais que c'est un changement de choses qui se succèdent, particulièrement à un événement qui affecte la vie humaine. Ah, retour sur la caméra principale. Donc, toujours en l'air et spectacle, maintenant, Sébastien Dulude, qu'on connaît, parce que c'est un chroniqueur, donc on le connaît. Oui! D'accord. Ça n'a rien à voir avec la maladie de Crohn, d'ailleurs. Performance et poème. Je perds mon sang-froid. Oui. Hein? Performance et poème. Parlant de sang-froid, il y a une collecte de sang. Aujourd'hui? Mais hier, oui, je pense que c'était sur deux jours. Je pense que ça continue aujourd'hui. Oui, ça continue aujourd'hui. Donc, performances et poèmes. Donc, le poète et étudiant de l'UQTR, Sébastien Duluth, est chroniqueur et etc. On en parle comme dans 3 articles là, de Sébastien, plus sa chronique dans le journal. C'est le mec qui arrête de travailler pour le Zone Campus pour qu'on mette 3 articles de lui dans le Zone Campus. Hein? Et voilà. Donc, où c'était que j'étais rendue? Livre, un premier recueil intitulé « Chambre » aux éditions Rodrigol. C'est le premier recueil de poésie au Québec qui tente de jumeler une performance au poème, ce qui est téméraire et authentique, mais surtout choquant. Donc, avec chacun de ces poèmes, il y a une photo d'une performance très physique. Et ce qui est bien, c'est qu'en général, l'image ne vient pas nécessairement décrire le poème, mais plutôt l'accompagner et le contredire, si on veut. Donc, ça fait vraiment des images très fortes entre le poème et l'image. Et on a une image dans le journal. Bien entendu, elle n'est pas à son plein potentiel parce que c'est quand même une impression journal. Mais c'est vraiment des images tout à fait spectaculaires et de grande qualité. Elles sont toutes prises par Benoît Payet. Oui. Très bon, ce gars-là, Benoît Payet. Et très bon, Sébastien Duluth aussi. Et Rodrigol, là, sais-tu, c'est le fils du rigolfeur, sauf pour les mononcles, c'est ça? Rodrigolfeur. Rodrigolfeur. Moi, quand t'arrives au jeu numéro 7, il y a plein de lui. Oui. Faut que tu trouves le vrai. Et on termine les heures de spectacle avec 3 expositions à la Galerie d'art du Parc. Oui, donc jusqu'au 27 octobre prochain, la Galerie d'art du Parc présente 3 expositions différentes. Donc, soit celle d'Isabelle Dumay, de Carole Biron et de Pablo Poblet. Donc, la première, c'est fait de vastes rêves d'Isabelle Dumay. Donc, l'exposition de l'artiste trifluvienne prend pour sujet le rêve, l'inconscient et le désir. Ensuite, on a Morceaux urbains, espace sensible de Carole Biron. Donc, elle s'intéresse à la notion d'espace de perception, plus particulièrement à la relation entre les lieux publics et privés. Et finalement, on a Psychoportrait de Pablo Poblet. Il est reconnu mondialement. Il est autant poète qu'artiste d'art visuel. Et c'est en fait 250 dessins que nous retrouvons dans la mansarde de la galerie, tous disposés en mosaïque. Pardon. Mm-hmm. Et ce gars-là, Pablo Poblet, tu l'as dit, il est plein de choses, hein, artiste d'art visuel, etc. Mais on sait ce qu'il est pas, hein? Blette. Passons au sport avec cette blague douteuse. En fait, avant d'aller en sport, oui. Je voulais vous parler du défi théâtral Domino. Oh oui, c'est vrai. Parce que personnellement, je trouve que c'est quelque chose de vraiment, vraiment original. Parce que ça se passe sur 24 heures. Donc, c'est des metteurs en scène, des scénaristes et des comédiens qui arrivent sur place au Zénob. On leur donne un sujet et ils ont 24 heures pour... autant faire l'écriture, faire la mise en scène et apprendre les textes et pour présenter finalement la pièce de théâtre le soir. Donc, c'était 3 équipes qui ont participé à la dernière édition le 22 septembre dernier au Zénob. Donc, je pense que c'est vraiment quelque chose de super original et de très, très, très intéressant à voir. Donc, surveillez la prochaine édition. Je pense que ça vaut la peine de se déplacer pour ça. T'as bien fait de nous en parler. Moi, j'ai pas dû sauter, pas fait exprès. Moi. Excuse-moi. Ben non, mais c'est correct. De retour sur la passerelle pour parler de sport avec Stéphanie Paradis. Semblerait-il que ça va bien au golf? Mais oui, une deuxième place historique à Aluminium. Aluminium Concordia. Donc, pour vrai, à chaque fois que j'entends Mathieu dire ça dans la publicité, Aluminium, j'ai l'impression qu'il fait juste comme Aluminium. Les chips, Aluminium. Donc, les 22-23 septembre, les Patriotes ont réussi une surprenante deuxième place à Aluminium Concordia, présentée au terrain Le Blainvilliers à Blainville. Donc, à seulement 2 coups derrière l'Université Laval, qui était en première place. Il s'agit d'un résultat historique pour l'UQTR et d'une première en 7 ans. Donc, cette deuxième place permet également à l'UQTR de se classer 4e au niveau provincial. Mm-hmm. N'est-ce pas? Quand même! Mais si ça va bien en golf, on peut pas dire de même que ça va bien dans les matchs préparatoires au hockey. Mais non, malheureusement, série de défaites en matchs préparatoires. Donc, les Patriotes hockey poursuivent difficilement leur série de matchs hors concours. Donc, en effet, les joueurs de Marc-Étienne Hubert accusent 3 défaites consécutives. Donc, ils ont perdu contre les Patriotes... contre les Panthers. Ils ont perdu contre eux-mêmes. Oh. Ils étaient-tu pas bons? Hey, c'est pas très hot, ça, comme on dit. Ils ont perdu contre les Panthers, contre les Aigles Bleus et contre les Redmen. Il reste un dernier match préparatoire avant de tomber dans les séries. Ben, pas les séries, mais... Des matchs des réguliers, matchs. Pardon. Ouais. La série régulière, c'est ça que je voulais dire, pardon. Fallait pas qu'ils tombent sur d'autres choses, parce que sinon, ça serait plus des matchs préparatoires, c'est des matchs préparation H, Nino. Nino, mon ami. Ouais, mais... Mm-hmm. Non? Okay. Passons au soccer féminin. Jamais 203. C'était pas un téléromage, Jamais 2 sans toi? Sans toi, oui, je pense que oui. OK. Oui. Ben, pourtant, j'ai pris ma douche. Sans toi. Sans toi, le tu bras. Donc, Jamais 2 sans 3, l'équipe de soccer féminin des Patriotes a subi 3 défaites locales au stade du CAF de l'UQTR, mais a obtenu une victoire sur la route. Donc, ça va pas si tant bien non plus du côté du soccer féminin. Mais tu sais, c'est le début de la saison. Je pense que les joueurs sont pas rodés, mais ils donnent le 110%, puis ils donnent des bons coups de patin. Après ça, ça va être la mi-saison. C'est difficile avec la mi-session. Ça va être la fin de session, les examens. Colin, fait non, mais les joueurs se connaissent pas encore assez. Ils sont en rodage. Là. C'est pour ça qu'on appelle ça des matchs préparatoires. Faut se dire, bon, ça, faut se dire au soccer, par exemple, ils sont dedans, là. Oui, ça c'est le temps, faut qu'ils performent. Oui. Puis ça, si ça allait pas bien, si bien en fait du côté féminin, ça va pas si bien non plus du côté masculin. Mais quand même, on dit que les Patriotes s'illustrent malgré les défaites en soccer masculin. Donc, l'équipe masculine a joué 3 parties locales en 2 week-ends au stade du CAPS. Malgré leur belle performance, ils se sont inclinés 2 fois plutôt qu'une. Donc, c'est peut-être pas nécessairement dû à un mauvais jeu de leur part, mais à plutôt de grandes performances des autres équipes. Mais les Patriotes devront suivre et offrir le même genre de performance. Donc, go les boys, go les girls. On est derrière vous et on vous encourage. Et comme dirait Michel Charbonneau, joueur des Patriotes. Carbonneau. Montréal, c'est l'équipe à battre. À vous le studio. Hey, merci. Et on revient après la pause. Non. Donc, merci Stéphanie Paradis. Ça fait plaisir. C'était la chronique Zone Campus qui est en kiosque, ce numéro-là, le numéro 3 du volume 9. Manque de doigts pour moi. Ben oui, ça. C'est du 1er au 14 octobre 2013. Octobre, toujours bien important de le dire. Et retrouvez-le en kiosque partout sur le campus de l'UQTR et dans plusieurs commerces à Trois-Rivières. Zone Campus, un journal qui frappe. Ouais, chill. Voilà. Super. Yeah! On a fait ça comme faux. Oui. Super. Dans quelques minutes, Sébastien Dulude et sa chronique « Va voir ailleurs, j'y suis ». Parlant de chronique, il y a beaucoup trop de air pour ma bouche. Mais pour l'instant, on écoute une petite chanson de Paper Maps. Oh! Voici The Hedonist. Ça, c'est fou! 89.1 FM. Ça, c'est rock! Wild and free, above the ones who claim to love us. Aux chroniques, au retour, aux chroniques. Dis-moi ce que ça veut dire, Jean-Philippe, aux chroniques. Oh, chronique, pourquoi es-tu chronique? Oui. Oh, chronica, terre de nos chroniques. Chronique, journaliste. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Quand même, si tu brasses les écouteurs, ça ne fera pas comme sur l'iPhone où tu peux annuler quelque chose quand tu brasses le téléphone. Là. Ça n'annulera pas ta vie ou une mauvaise blague que tu as fait avant la pause. Annuler la saisie. Moi, ce que je trouve fascinant des batteries, c'est que, mettons ta télécommande, là, ouais. T'as plus de batterie. Non. T'enlèves les batteries, ouais. T'échanges de bord, puis là, tu t'occupes de la batterie encore un mois. C'est vrai, pour vrai, ils font pourquoi? Ça. Pourquoi? Moi, ce que j'aime bien, c'est les souris qui te permettent d'utiliser deux batteries ou une batterie. Oui. Comme ça, tu peux, mettons, t'as une batterie de spare, tu peux la mettre dedans. Ça au moins, tu vas peut-être dépanner. Tout devrait être comme ça. Tout devrait être à l'énergie néonienne. Néonienne? Oui, c'est comme de l'énergie solaire, mais avec les néons. Oui, avec des onion rings. Des onion rings. L'énergie onion ring. Oui. C'est parfait. Avant de passer à Sébastien Dulude et Va voir ailleurs, j'y suis. Voici Lila Dissé, une nouvelle entrée du palmarès francophone. C'est Tennessee. Sur C'est vous. Il a dit ça et la pièce Tennessee à Assemblage Requis. C'est ce que j'allais dire. Ouais. Maintenant, tiens, on a parlé tantôt un petit peu de Sébastien Dulude qui était supposé être là la semaine passée, qui est là cette semaine à la place, qu'on a préenregistré un petit peu plus tôt dans nos studios. Il va être là la semaine prochaine aussi pour la troisième partie. Donc là, c'est la deuxième partie qu'on écoute à l'instant de Vicky Was Here. Voici Va voir ailleurs, j'y suis. Dans ma dernière chronique, je vous racontais que l'écrivaine Vicky Gendreau, décédée d'un fulgurant cancer du cerveau en mai dernier, avait développé certains liens avec Trois-Rivières, des amitiés, mais elle y allait essentiellement pour la poésie et pour le travail. Elle travaillait pour une agence de danseuses nues qui l'amenait au Scrabble régulièrement. À la fin de 2011, Vicky est venue rester quelques mois à Trois-Rivières. Elle veut écrire un premier livre et elle a commencé à contribuer au blog Terreur Terreur et elle danse. Ces quelques mois-là, bizarrement, je ne l'ai presque jamais vue. Elle ne tenait pas à voir du monde, elle voulait plutôt écrire. Je n'ai jamais su son adresse à Trois-Rivières. Je sais qu'elle a eu un appart dans Sainte-Cécile, puis a partagé un loft sur la rue Notre-Dame au centre-ville, je pense que c'est en haut du restaurant cubain. L'ai vue une fois aussi au Zénob, elle filait vraiment pas. Une histoire d'amour qui n'allait nulle part avec un gars de Trois-Rivières. Mais on avait salement bu. Vicky était d'une générosité presque absurde avec moi ce soir-là. Puis je la lisais, genre le lendemain, sur Terreur, Terreur. Un extrait. Plus de Vicky. Vicky en chute libre. Comme une scène noire lâchée du sommet de la Tour Eiffel. Tombe, vitesse d'une balle de gun, dans le crâne de mon idée la plus sombre, y érige domicile, commence par fermer tous les rideaux. Rideau rouge. Prémonitoire? Ça, c'est un extrait de Vicky sur Terreur, Terreur. Je l'ai vue une autre fois aussi, c'était au Nord-Ouest, en après-midi. Elle m'avait texté, viens-tu boire quelque chose? Elle travaillait au Scrabble ce soir-là, bien, ça y tentait pas. Elle écrivait, compulsivement, dans un petit cahier. Elle m'en a montré des morceaux. J'aurais passé la journée et la soirée à lire ce cahier. Vicky l'aimait son travail de danseuse, mais ça devait pas être simple par moment. On pouvait le lire sur son blog. À un moment donné, elle écrit, « Mais en attendant, je suis danseuse. Danseuse nue, de manière limite pathologique. » Mais tu sais, ça c'est de la poésie, on peut dire ce qu'on veut en poésie, il n'y a pas de problème. Mais quand même, ça devait pas être simple. On pouvait même essayer d'en rire, un autre extrait de ce qu'elle a écrit. Elle se fait demander à un moment donné, pour 9 piastres, tu fais quoi? Puis elle répond, je te joue la pire journée au monde avec pas de casque, en pète de noun. En tout cas, elle était plutôt à l'aise d'en parler, mais on n'en parlait pas tant que ça, mais elle était à l'aise. Mais elle pouvait faire pas mal d'argent. Elle savait dépenser aussi. Une année, en décembre, elle est allée danser à Fermont. Je ne sais pas combien de 1000 piastres elle a pu faire là-bas en une semaine, mais c'était juste avant Noël, puis Vicky avait décidé de faire genre toutes ses commissions de Noël, tous ses cadeaux du temps des fêtes à Fermont. C'est la ville la plus chère au Québec, là. Puis cette année-là, Vicky était arrivée chez nous, était venue au souper des orphelins de Noël que j'organisais avec ma blonde sur Niverville chaque année. Puis cette année-là, on était une vingtaine, ça grouillait, il y avait vraiment beaucoup de monde, c'était le fun. En fin de veillée, Vicky m'a pris en photo devant le frigidaire en train de m'écrire « Ed » sur le ventre au crayon feutre pour l'envoyer à Ed Hardcore et son site de Hardcorettes. Ça, c'est « Not suitable for work » si vous allez voir les Hardcorettes. Essentiellement des photos de filles qui signent le mot « Ed » un peu partout sur le corps. Donc, elle m'avait pris en photo. Elle avait aussi cuisiné. Elle cuisinait vraiment bien, comme toujours. Et puis, elle nous avait offert à Véro et à moi des strings de Noël qui font de la musique. Ça fait encore partie des décorations du sapin de Noël de Véro. Là, on est en automne 2011. Mes souvenirs du Off Festival de poésie sont vraiment nombreux cette année-là. C'est complètement fou. Le 5 à 7 de bouffe fait en poème que Vicky a organisé était vraiment intéressant. Après ça, on est allé au Coconut Bar avec le RAF 4, le vraiment tape-cul de Benoît Payé. Puis on était avec Mathieu, Sophie, Coffre à Neuf. Puis il y avait Vicky dans valise qui arrêtait pas de rire en criant aïe aïe à chaque boss qu'on prenait. On faisait des jokes de cloaque. On a eu des lectures de poésie géniales. Le soir, on a fait le party, évidemment. Les amis, c'était la belle vie. La vie qu'on pense qu'elle dure longtemps. Cet automne, Vicky était restée chez moi quelques jours. Elle avait fait une épicerie là, absolument ridiculement grosse. Elle passait beaucoup de temps à cuisiner, même quand je n'étais pas là à la maison. Puis elle dormait dans la chambre avec la petite chatte noire qui l'adorait. Je ne sais pas exactement ce qu'elle faisait de ses journées. Peut-être qu'elle se reposait de Montréal, je ne sais pas. Des zones secrètes chez Vicky, il y en avait des quartiers, des villes entières. Des fois, j'aurais eu des questions à lui poser, mais parler avec Vicky, c'était comme prendre un billet d'autobus au hasard, destination inconnue. Avec Vicky, c'était toujours, tout le temps, absolument, le moment présent, urgent, hilarant, étourdissant aussi. Elle arrivait, j'avais même pas fini de donner mon deuxième bec à la joue, puis elle me disait « Man, écoute ça, j'arrive de telle place, nanana, j'ai vu la chose la plus fucking drôle, nanana, nanana. » Puis c'était parti pour des heures. Bon, je vous raconte la suite de tout ça dans ma prochaine chronique. Ça va être la suite et la fin, parce que ça achève pour Vicky. En juin 2012, Vicky va avoir son diagnostic de cancer du cerveau. Les mois d'avant auront été difficiles par moments. Son corps envoyait d'étranges signaux que personne ne comprenait. Et je n'y comprends moi-même toujours rien. derniers temps, ma vie s'est dégradée en tons de gris. Monochromie, monotonie, mélancolie. Beaucoup de nuits, beaucoup d'ennuis. Je sens que je fléchis et je réfléchis. 14 étés déjà jetés, qu'aurais-je été? Une bougie soufflée trop tôt comme mon ami mort en moto. Une statistique pathétique dans une chronique nécrologique. Un Québécois de plus en moins, ça ferait-tu quoi à quelqu'un? Je sais pas ce qui se passe, mais c'est pas rien qu'une mauvaise passe. J'aimerais disparaître comme dans un tour de passe-passe. En attendant, je veux bien paraître dans la parade de la parade. Mascara, mascarade pour mes parents, mes camarades. Même si je m'en sers, j'ai rénové ma façade. La clôture métallique est un sourire orthodontique. Dans les murs, les fissures ont été colmatées. Les volets sont repeints, la toiture est refaite. L'imposture est parfaite à l'intérieur. Tout est décrépit, la charpente est pourrie. Les tapis sont finis, puis la tapisserie est moisie. Les lambris sont recouverts de verre de gris. Les amis, je vous le dis, tout ça c'est bon pour l'incendie. C'est pour mes travaux scolaires. Pauvre maman, si t'étais au courant, tu déboulerais dans le cave en courant. Parce qu'en ce moment, je suis sur un site de Nukula. Si je me souviens comme il faut, dans le garage, y'a tout ce qu'il faut. Escabeau, corde à canot et un anneau assez haut. ICO, ICO. Et si jamais je m'accrochais, ce serait à la vie ou à un crochet. Sur un plafond, à quoi bon un lendemain si c'est pour creuser plus profond? Avance sur le vin, quand y'a pas d'horizon. À mes pieds y'a un ravin, puis j'en vois même pas le fond. Si j'aimais demain, je bute sur un plafond. À quoi bon un lendemain si c'est pour creuser plus profond? Avance sur le vin, quand y'a pas d'horizon. À mes pieds y'a un ravin, puis j'en vois même pas le fond. Si j'aimais demain, je bute sur un plafond. Le colocasse est m'accroché, version tourmentée à Assemblage requis. C'était pour accompagner la chronique de Sébastien Dulude, Va voir ailleurs, j'y suis. Voilà. En gros, ça fitait bien musicalement et dans la déprime. Oui, ben, tu sais, on peut jamais avoir de. Il n'y a pas de chanson parfaite. Non, non, non, c'est ça. Peu importe ce qu'on aurait choisi, ça aurait été douteux ou inapproprié par moment. Voilà. Mais quand même, on le retrouve la semaine prochaine. C'est spécial, je vais vous expliquer un petit peu la situation. Il est aux deux semaines d'habitude. Par contre, cette fois-ci, il en fait deux de suite. Donc, cette semaine et la semaine prochaine. Et notre amie Lily Bruno-Saint-Pierre, qui va être là aujourd'hui, va être là, elle, dans deux semaines. Voilà. C'est clair pour tout le monde? Oui, moi, c'est clair. Parfait. Et puis, si vous avez aimé la chronique de Sébastien Dulude, sachez que la troisième et dernière partie est disponible dans le Zone Campus, qui est en kiosque maintenant pour deux semaines. Et sur zonecampus.ca. Voilà. Voilà. Donc, on le remercie, Sébastien Dulude, qui était dans nos bureaux un petit peu plus tôt ce mois-ci. Voilà. Alors, en fait, c'était en septembre parce qu'on est rendu en octobre. Déjà. il nous reste encore pas mal de temps, une bonne quarantaine de minutes à l'émission d'aujourd'hui. Plus tard, à l'émission, on va avoir Sex Message de répondre là et d'autres patentes autour de ça. Plein de choses. On va aussi faire les paroles des autres, si tout va bien. Mais pour l'instant, on écoute une nouvelle entrée du palmarès anglophone. C'est Royal Canoe. Juste pour leur nom, je vais les faire jouer tous les jours. Royal Canoe, voici Bathtubs. Prenez le temps de vous imprégner de comme dans un bain de cette bonne musique. C'était bien, bien bon quand même. Ouais. J'ai hâte de voir. Non, ok, je la retravaille. On s'en redonne une nouvelle tantôt? Oui. On se texte? Oui. On s'appelle déjà? SMS. Yo. YOLO. YOLO. Hashtag. Ça va faire. Just the light. poire. On vient d'entendre une nouvelle entrée du palmarès anglophone et me voilà en train de... Je vais me lâcher parce que je trippe trop. Royal Canoe. Royal Canoe et la pièce Bad Tub, c'est génial. Alain Lefebvre, directeur de la programmation, qui m'a dit « Tu vas aimer ça ». J'ai dit « Es-tu bon ?» Il me dit « Ben, tu vas aimer ça ». Oui. Puis, t'aimes-tu ça? J'adore ça. Wow. Alain aime ça. Moi aussi, j'ai bien aimé. C'est génial. Royal Canoe, on a une autre pièce, une nouvelle entrée du côté anglophone, Dear Tick, qu'on entendra éventuellement. Incessamment. On a tout le temps du monde. On a 2 heures par jour, dude. Oui. Dude man bro. J'espère qu'on va avoir le temps pour faire des niaiseries, comme dirait que oui, des malaises. Des malaises, oui, c'est ça. Donc, voilà, ben, quand le temps file plus que j'avais pensé qu'il aurait filé, donc on va en pub, puis on vient après avec Sex, mais ça devrait pas, on l'a, puis plein d'autres affaires, OK? Oui. Yeah. Rassemblage qui pour toi aujourd'hui. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Oh oui, toujours Assemblage requis avec Jean-Philippe Charbonneau. Et Mathieu Plante. Oui, maintenant, ben, c'est le moment qu'on attend tous, hein, parce que dans la vie, Colin, faut écouter de la musique. Oui. On écoute tout le temps de la musique de palmarès, on écoute de la musique, bon, tu sais, des fois, on dévie un petit peu. Là. Mais moi, j'aime avec l'inspiration du moment. L'inspiration du chef. Ben, tu vois, et le chef, tu l'as dit, ben, c'est moi. Oui, hein, parce chef que moi, d'orchestre. Maestro. Maestro au-dessus de tous et qui regarde avec un air prétentieux. Non, ça, c'est quelqu'un d'autre au-dessus de moi, ça. Attends. Donc, on s'en va écouter une chanson thème d'une chronique dans l'univers de Mathieu Plante. Voici les paroles des autres. Non. Ouais, mais c'est mon style. Ça va être le fond. Voici la chanson thème de Le temps d'une culture avec Alexandra Carignan. Slap. C'était la chanson thème de la chronique Le temps d'une culture avec Alexandra Carignan. La chanson est Dragon par Caravan Palace sur leur album Caravan Palace paru en 2008. Et très Caroline, bon. À chaque fois que ça joue dans sa chronique, et c'est bon. Je fais comme je dandine sur ma chaise. Mais... moi aussi. Ouais. Et donc, l'écouter plein volume, c'est toujours bien le fun. Et c'est le but de la chronique, les paroles des autres. Oui. On fait ici Assemblage requis. C'est une chanson thème d'une chronique et ou émission et ou d'une affaire à moi ou de quelqu'un d'autre dans l'émission autour de l'univers. Mathieu Plante, le noyau. Voilà. C'est ça. On prend vos suggestions d'ailleurs pour les chroniques. Si ça vous, si vous intéresse, passez par assemblagerequis.com. Maintenant, avant de passer à la chronique, ça existe, mais ça ne devrait pas. On l'a, on va se magasiner quelques gadgets. Si je peux te teaser un peu, entre autres, là, si mettons tu veux faire des manipulations sur quelque chose de dégoûtant un petit peu, ok? C'est un seau avec des gants intégrés, donc tu peux passer ta main. Ah oui! On en parle tantôt. Mathieu, tu me teases. Oh, je te touche, mais avec un gant. Avec un gant. Pour continuer en musique, donc on écoute Olinéa. Oui, on avait envie d'écouter ça. On retourne un petit peu... en arrière. En arrière, mais pas trop. Quand même semi-récent. C'est pas un extrait du palmarès, donc ça fait comme changement. Ça. Ouais. On aime ça. On y va avec les ombragés, je pense. Oui. Assemblage requis. Sur C'est fou! 89.1 FM. C'était Olinéa et les ombragés. Que c'est bon. T'as bon. Que c'est bon. Manam, manam, la miam du rock. Donc oui, toujours Assemblage Rookie avec Jean-Philippe Charbonneau. Et Mathieu Plante. Et maintenant, ben montre-moi, est-ce que je peux, un petit peu comme à l'aéroport, est-ce que je peux te tâter le pantalon là pour voir si t'as de la monnaie dans tes poches? Ah, tu peux faire ce que tu veux, ça veut pas dire que je vais le prendre bien. Non, c'est ça. Il faut le faire sous la table parce que les caméras vont nous voir. Mm-hmm. Attention. Voici si ça existe, mais ça ne devrait pas, on l'a. Es-tu bon ton café? Ça existe et ça ne devrait pas, la chronique des gadgets inutiles. Et en fait, on cherche des solutions à vos nombreux problèmes, aussi stupides soient-ils. Par exemple, disons que tu as à toucher à des produits, là, manipuler des affaires sales, mais que tu veux pas te salir, ça. C'est un peu ça, des fois, tu veux juste pas te salir parce que tu t'en vas à une convention, à un CA ou peu importe. Tout de suite après. T'es un gars bien occupé tout le temps après l'émission, etc. etc. Donc, tu viens de finir de peinturer, tu veux laver ton pinceau, je sais pas trop quoi. Donc, le glove bucket, c'est un gallon de 5... C'est 5 gallons. C'est 5 gallons, oui, 19 litres de fait de polyéthylène, donc de plastique, avec un couvert en acrylique transparent. Et le seau a des ronds de chaque côté, avec une paire de gants heavy duty de rubber caoutchouc. Et donc, les gants sont scellés de l'extérieur du seau. Et tout ce que tu as besoin, c'est insérer tes mains. Un peu comme les docteurs font dans les chirurgies ou des trucs comme ça. On les voit des fois faire passer leurs mains dans des affaires. Bref, c'est ça. Ça coûte 49$. C'est un seau de plastique que vous pourriez sûrement vous fabriquer vous-même. Ben oui. Mais en même temps, si tu mets des produits chimiques dedans, moi, j'aimerais ça avoir une garantie. Ah ah! Parce que là, c'est ça, c'est scellé là, quand même, les gars. Oui. Mais je trouve ça génial. Pour c'est de vrai, mettons, quelqu'un qui travaille, mettons, qui est plus manuel, puis qui a un tracteur chez lui, il faut qu'il lave les engrenages plein de graisse, puis qu'il veut pas s'acheter, tu sais, le kit complet, là, comme dans les garages, là, où, en tout cas, c'est comme une pompe, là. Pis, ouais. Là ben c'est génial, c'est une belle alternative. 49$, c'est très peu cher comparé à l'équipement que ça pourrait te coûter. Exactement. Et un peu comme à l'hôpital, quand on prend un bébé dans l'incubateur, ben vous allez pouvoir mettre votre bébé là-dedans, changer ses couches aussi. Oui, tout à fait. Faire tout ça, là. On peut faire plein d'affaires avec ça. Peut-être pas mettre le couvercle. Non, je sais pas. Ben, pas plus que 3 minutes, parce que c'est après ça qu'il va manquer d'air. C'est ça. Ça va pas au micro-ondes non plus. Non. OK. Ensuite, tiens, quand t'es au bureau, Jean-Philippe, tu utilises des agrafes, des tacs. Oui. Sur tes feuilles. Les palmarès, c'est fou. Ici, on a des tacs après nos feuilles. Mais ce qui est plate, c'est qu'à la fin, quand t'arrives à la dernière tac, ben, t'arrives à la dernière tac, puis il n'y en a plus. C'est trop tard, trop tard. Il fallait savoir avant. Mais ben, vous allez le savoir avant avec les Alert Staples. Hein? Donc, c'est ça. C'est les Alert Staples, un concept de Wei Ling Su, Yu Ran Lai et Xian Yi Yu. Donc, dans le fond, c'est que les cinq dernières agrafes sont colorées rouges. Donc, tu vas le voir dans le petit indicateur qui est en dessous. Tu sais, tu vois tes tacs dans une petite fente, ouais, qui est justement faite pour que tu vois quand il reste plus de tacs, mais personne ne check ça. Si c'est rouge, là, tu vas le voir. Mais aussi, ce qui est bien, c'est quand tu vas taquer, qui est peut-être un peu plus visuel. Ouais. Quand tu vas taquer ta feuille, là, tu vas voir que ton agrafe est rouge. Exact. Puis là, c'est là que tu fais comme, oh, alerte, alerte. Ben, c'est comme dans les magasins où leur petit rouleau de papier va commencer à être mauve vers la fin ou quelque chose comme ça. C'est, oui, pour leur dire, change ta roulette. Voilà. C'est évidemment facile à dupliquer dans la vraie vie. Vous pourriez aussi juste mettre, tu sais, colorer avec un marqueur rouge vos dernières tacs, mais ce serait peut-être un petit peu trop de trouble pour vous autres. Achetez-les. Déjà toutes faites. Génial. Ensuite, ah tiens, t'as besoin d'une lampe, mais tu veux pas avoir à t'encombrer d'une ampoule. Oui. Ouh. On n'en parle pas assez de changer des ampoules. On n'en parle pas assez. C'est un jeu de mots avec on ampoule. On n'en parle pas assez. Ah là, come on, faut que je note ça, mais j'ai pas. Je suis en train de faire une chronique. Le 9h13, ampoule. C'est fait. C'était pas long, film. Donc, c'est d'utiliser ton iPhone comme ampoule dans une lampe. C'est magnifique et fantastique. C'est un dock pour iPhone que tu mets sur le côté, dans le fond, sur ta table de chevet. C'est par Raw Edges Design. Et donc, tu vas imbriquer ton iPhone là-dedans et ça va utiliser la lumière LED de ton iPhone comme lampe. Évidemment, c'est un concept, là. Donc, c'est pas un vrai produit qu'on peut acheter, mais c'est cool. Mais l'idée est pas mauvaise. C'est après le speaker du iPhone, ouais, que tu peux amplifier tout simplement avec une petite cage, là. Pourquoi pas utiliser tous tes attributs de lampe? Est-ce que tu t'en sers de la lampe de poche dans l'iPhone? Je m'en sers à tous les soirs. Oui, je m'en sers assez fréquemment. Ben, tu sais, dès que tu as besoin d'une lampe de poche, moi, c'est le iPhone. Voilà, ouais, tout simplement. C'est réglé. Oui. Ensuite, tiens, l'hiver s'en vient. Ah, oui. C'est bon, ça. L'hiver s'en vient et on a tous besoin. Premièrement, moi, je me pète la gueule une fois par année. Oui, c'est ça. J'ai tout le temps peur de me péter la gueule. Fait que je marche bien tranquillement. Puis là, on me pète de l'an. Puis come on. Oh. Come on. Donc, il te faut des petits pics en tout essuyer. Mais enlever et remettre tes pics une fois rendu au travail et une fois rendu à la maison, c'est du trouble. C'est fatigant. Moi, j'aime pas ça. J'en avais acheté. J'ai arrêté d'utiliser. Donc, à la place, c'est les Mindy Spike Boots. C'est des pics rétractables. Octobre. C'est intégré directement aux bottes ou aux souliers, donc pour dans le fond faire sortir les pics. Vous avez qu'à tourner une petite manivelle, un petit bouton à l'arrière du soulier. Les 6 pics qui sont faits de tungsten carbide metal et qui ont un triple saut à l'entour pour empêcher le froid et l'humidité de sortir par les trous des pics. Et à l'intérieur de la botte, il y a de la peau de mouton. Oh, mais et du Gore-Tex, donc ça va vous garder au chaud. Mais écoute, tu vois ça, ça est-ce que c'est disponible? Oui, c'est disponible, oui. Mais écoute, ça c'est génial. Je trouve ça génial parce que c'est le bon compromis que tu peux faire entre une botte que tu peux tout faire avec, justement. Fait, tu peux pas être pogné après ça à rentrer, au bureau, sur ton plancher de bois chez toi, oups, j'ai oublié mes clés. Ah, faut que j'enlève au complet mes bottes pour pas abîmer mon plancher de bois. Pour vrai, c'est la solution. Génial. C'est génial. Et ça coûte 280 livres sterling. Donc c'est sur le site de proedi.co.uk, mais le lien est sur assemblagerequis.com et vous pouvez choisir votre grandeur et votre couleur. Voilà. Ben, c'est comme un bottillon. C'est pas vraiment une botte parce que c'est pas très haut. Ça arrive un petit peu en haut des chevilles, je pense. Ensuite de ça, tiens, on est tous dans l'univers de prendre des notes sur l'iPhone, mais les post-it existent encore. On en parle souvent. Ici, par contre, c'est des post-it en forme de chiffre de notification sur l'iPhone. J'adore ça. Tu sais, mettons un 2 rouge, là. Évidemment, je trouve que c'est un petit peu arriéré, là, parce que c'est la police et les couleurs d'iOS 6. On est passé à autre chose depuis, là. Ouais, c'est vrai. En tout cas, moi, je trouve ça poche. J'imagine qu'ils vont faire un modèle iOS 7 un jour. Donc, c'est comme la notification qui apparaît sur, mettons, votre application de mail. Il y a un petit 4 dans un 4 blanc, mettons, dans un cercle rouge. C'est les Notification Sticky Notepad. Vous écrivez votre message à l'endo du collant. Vous le collez sur votre ordinateur. Votre tablette, votre téléphone. Et les notes sont en ordre de chiffres, évidemment, de 1 à 9. Et ça se répète. Vous avez 135 notes dans chaque bloc-notes de 3,7 pouces de diamètre. Très bien pensé. Très, très bien. Je veux savoir combien ça coûte tout ça, moi. C'est toujours le but. La question. C'est sur Tingy que ça coûte 12$ pour le paquet de 135. C'est pas super. C'est quasiment aussi cher que des post-it. Ben oui, ça revient pas mal au même. C'est le brevet de la colle, je pense, qui coûte cher sur les post-it. Hein? Oui. Ensuite, tiens, on parle souvent d'électricité et de façon d'empêcher les... tu sais, le problème qu'on a, c'est que les prises de courant sont tant bloquées parce qu'il y a un gros adaptateur, des trucs comme ça sur la prise. Donc ici, c'est un flexible power supply, si on veut. Donc littéralement, c'est seulement un petit rond qui se branche dans la prise de courant, mettons, du haut. Et il y a en diagonale un petit morceau de plastique... amovible. Ouais. Et au bout de ça, là, t'as un power supply avec une prise de courant et deux prises USB. Écoute, moi, j'ai découvert que la prise de mon laptop a une prise USB dedans. Fait que, mettons, je veux charger mon cellulaire. Quand moi, mon laptop est fermé, ça charge pas. Ouais. Donc, je trouve ça génial. Je trouve ça tout simplement fantastique. Ça charge vite. Ça charge bien, puis ça charge partout. Moi, je suis en tout cas. Chargez pas plus loin. Hey, écoute, cherche pas ça plus loin. Je le veux, Mathieu. Je le veux, oui, je le veux. Contoured Power est le nom du produit. Et c'est ça, c'est super simple. Deux prises USB, c'est magnifique. 45 degrés de contorsion. Cord management, donc tu peux prendre. Quand tu débranches ça, le fil, tu peux l'entourer autour. Le cordon. Ben, c'est comme un cordon, une prise USB, puis un fil. Dans le fond, mettons que tu branches ton iPhone avec le fil d'Apple, tu branches dans la prise et tu peux entourer ton fil en autour. Plus. Fait que tu l'amènes comme ça. Je sais pas si je suis clair. Oui, en tout cas, j'ai compris. Il y a aussi de la surge protection, la protection de la surtension intégrée et 3 appareils connectés en même temps. Ça, je me répète parce qu'on l'avait déjà dit plus tôt, mais quand même, voilà, c'est super cool. Ensuite, l'été est presque terminé, mais t'as encore peut-être quelques jours de piscine potentielle, peut-être si c'est chauffé. Si c'est chauffé, ouais. Pourquoi ne pas installer un gigantesque écran dans votre piscine? Je trouve ça malade. Pour vrai. Ça coûte 1200. C'est un moniteur gonflable. Ben, en fait, pas. Le dessous est gonflable. La base est gonflable. Il faut que tu l'attaches sur les côtés. Sur les côtés pour pas que ça chavire. Avec des grosses poches de sable. J'imagine. Et c'est ça. Donc, tu peux diffuser des choses là-dessus. Je sais pas. Mais écoute, l'idée est bonne. Mais en même temps, je vois pas la différence. Parce que là, je regarde la photo. Ouais. Oui, le projecteur est dans l'eau. C'est le fun. Mais en même temps, avec la grosseur de la piscine, qui est quand même une grosseur standard, j'aurais pas vu la différence entre mettre cet écran-là dans l'eau versus le mettre à côté, puis toi rester dans l'eau au pire. Ou juste traîner ta TV dehors. Ouais, comme l'annonce de Belle. C'est ça. Et puis, ce que je vois, par exemple, c'est que le projecteur... parce que, dans le fond, c'est juste un écran blanc. C'est ça. T'as pas c'est pas... La télévision n'est pas intégrée dedans, c'est un projecteur. Mmh. Mais dans la photo, le projecteur est littéralement sur un petit flottant dans l'eau. Moi, je serais stressé. Fais pas de vagues, c'est pas de bombe. Puis ça coûte, c'est pas donné. C'est pas donné. 1200$. Ouais. Non, mais le rétroprojecteur en plus. Ok, non, c'est ça parce que. Ok, oui, ben, je pense que ça, c'est électrique. Là. T'as raison. Donc là, on parle de 1200$ pour le truc gonflable. Juste pour l'écran gonflable. Parfait. C'est quand même ridicule. Ensuite, tiens, le Law Enforcement Reverse Peephole Viewer. Tu sais, on a souvent le problème que t'arrives chez quelqu'un et la personne peut te voir dans son petit trou. OK? Le petit trou de la porte. Oui. Comment t'appelles ça en français? Un œil de bœuf. Un œil de bœuf. Nous, par contre, le visiteur, on peut pas voir à l'intérieur, mais la police peut. Savais-tu ça que la police pouvait regarder parce qu'il y a un gadget, puis là, tu peux l'acheter, tu sais? Oh! C'est ça. Ça coûte 75$, ça vous permet de regarder dans l'œil de bœuf. Mais je suis pas sûr que ça me rassure. Moi non plus. Parce que si, mettons, tout le monde a accès à ça, ça veut dire que tout le monde peut regarder chez vous s'il y a quelqu'un, puis au pire, défoncer la porte parce que tu vois que t'as personne. Et voilà. Ah. C'est t'as utilisé prudemment. Oui. Ouais. Celui-là, je le mentionne parce que moi, je veux m'en acheter un et je sais pas si je l'ai déjà fait. Si je l'ai déjà fait, c'est il y a des années. J'ai jamais fait avec toi. Ouais, quoi que ça veut rien dire, mais ouais. Ah! Que je l'ai fait jamais fait avec toi. Bon. Donc, c'est le Grilled Cheese Toaster Bags pour faire des grilled cheese dans le toaster, grippin! Pour vrai, c'est une enveloppe géniale. Pour vrai, tu te fais un sandwich ou n'importe quel autre sandwich, le genre un BLT ou n'importe quoi. Là. Tu mets ça, t'insères ton sandwich dans le sac, tu mets le sac dans le grille-pain et tu pourrais même faire une tranche, de une pointe de pizza de restant. C'est génial. Moi, sérieusement, j'en achèterais une demi-douzaine ouais. ou six. Comme est-ce on que c'est réutilisable, ce petit sac-là? Ah, oh, je sais pas. Je pense que oui. D'après moi, ce l'est, Colin, je sais pas. Attends un peu, je vais aller voir. Oui, chaque sac peut faire jusqu'à 50 sandwichs. Wow! Avant de, j'imagine, brûler, devenir trop... Ouais, puis dans le fond, ils nous disent juste de le laver bien comme il faut après chaque usage. Génial. C'est fait de téflon et de fibres de verre. C'est magnifique. Donc voilà pour ça. Et tant qu'à avoir ouvert l'onglet, j'aurais pu regarder le prix. Hein. Ouais. Ah, zut, je viens de le fermer. Ah, moi aussi. Aïe. $10 Vendu. Ah, Colin, il m'en fout de ça, c'est sûr. Ensuite, tiens, t'as une mauvaise posture au bureau, c'est standard. Tu sais, on est dans une OSBL à genre 5-6 employés. Disons qu'il n'y a pas un gars d'ergonomie qui va venir arranger nos bureaux à la bonne hauteur avec la chaise. Tu sais, comme à CSST, ma copine, ouais. Ils se sont fait vérifier leurs chaises pour être parfait. Nous, on pogne des chaises qui restent à l'université. Oui, puis d'ailleurs, je dois souligner que je n'ai plus deux vis qui me rentrent dans les fesses. Ah, tant mieux. Oui. Moi, par contre, en studio, j'ai l'impression d'être assis sur une toilette. Ah oui. Je l'avais déjà dit, celle-là, mais quand même. Bref, on n'a pas une bonne posture et ça veut dire que genre un bon 10 heures par jour, dépendant de combien d'heures tu travailles, dépendant de quand tu es en montage au journal ou pas. Donc, mettons 10 heures de suite sur une mauvaise chaise, ça peut faire mal au dos, potentiellement. T'sais. Donc ici, c'est le Lumo Back qui vous montre comment vous asseoir droit et vous encourage à avoir une bonne posture. Donc vous mettez ce sensor par-dessus ou en dessous des vêtements, tu télécharges l'application gratuite, tu fais ce que tu ferais normalement et quand ça détecte que tu es penché incorrectement, ben ça va t'alerter. Ça veut dire de pencher ton poids plus de l'autre côté parce que t'es un petit peu pas sur le bon axe, etc. Une petite vibration est la seule chose que ça va te dire, donc il n'y aura pas de grosse alarme, ce ne sera pas fatigant. Et tu as du feedback en temps réel avec un petit avatar, donc ça vous encourage à bien vous tenir. C'est le fun, hein? Moi, je trouve ça parfait. Je sais pas ce que j'ai cette semaine, on dirait que tous mes gadgets sont parfaits. Hein. Le prochain est juste parfaitement visuellement intéressant. Est-ce que tu connais les Buckyballs? Les Buckyballs. C'est des petites boules de métal qui tiennent ensemble et que tu peux faire des structures avec. Oui. Ça a été banni très, très aux cool, États-Unis parce que c'est les enfants s'étouffaient avec. Oui. Bon. Bref, c'est cool et on peut en acheter encore sur eBay. Bon. OK. Mais il y a une table qui est le même principe. C'est une table avec des cubes. Non. Avec des aimants dedans. OK. Puis c'est une table. C'est une table. C'est 27 blocs de bois individuels avec des aimants à l'intérieur. Et les aimants, évidemment, qui vont se repousser. Mais ça va tenir en forme de table parce qu'ils ont des ficelles ou genre des trucs pour les tenir ensemble. C'est vraiment génial. Écoute, je suis en train de regarder le vidéo. Ouais. C'est assez impressionnant. Ça se peut juste pas, pour vrai. Dans le fond, c'est 3 par 3 ouais. de chaque côté. Est-ce que tu sais combien ça fait de grandeur? Ah oh non, je sais pas. Écoute, non, c'est pas marqué. Mais ça, je vois la main de la personne. Chaque cube ressemble quasiment à une bonne main. OK. Donc, sur une table, tu pourrais mettre, mettons, ta tasse à café facilement dessus. Oui, facilement. Potentiellement un laptop. Ouais. Je pense que ça tiendrait. Je mettrais pas, mettons... Une TV, mettons. Ouais, non, ouais, c'est ça. Okay. Merci, Mathieu. Merci. Ça fait plaisir, j'essaie. Puis, ben écoute, c'est impressionnant. Pour vrai, c'est ça cool. Ça tient. J'adore ça. Ça impressionnerait la parenté, en tout cas, dans le temps des fêtes. Oui, imagine, tu mets des logos de C'est Fou dessus, puis ça pourrait être la table d'entrée. Ah, oh, wow. Pour vendre des M&M. Oui, c'est ça. On fait des insides aujourd'hui, ça, puis là. Brosse à dents 3D qui est faite spécifiquement pour nettoyer tes propres dents à toi, OK? C'est fait juste pour tes dents et ça va faire que tu vas pouvoir te brosser les dents en dedans de 6 secondes, Jean-Philippe. Wow! 6 secondes. Donc, c'est la Blizzard Dent Toothbrush, donc c'est imprimé en 3D avec un moule de ta bouche qui vont donc améliorer l'efficacité de ton lavage de dents. Ça va passer de 3 minutes à 6 secondes. Donc, te brosser, là, c'est super technique, là, ça te dit, brosser plus que 4 secondes de plus avec la Bliss Dent va égaliser 3 minutes additionnelles de brossage, 2 minutes avec une brosse à dents électrique, 10 secondes avec la Bliss Dent, c'est égal à 6 minutes de brossage à la main. Donc, tu économises 50 heures par année, ce qui est plus qu'une semaine de travail. Bon, c'est bien dit, hein, dit comme ça. La seule attrape, c'est que ça coûte 300$. Pour économiser ce temps-là. Tu sais. Le temps, c'est de l'argent, donc tu économises du temps, tu économises de l'argent. C'est pas si pire, là, se brosser les dents. Moi, j'aime bien ça. Oui, ça, c'est zen. Tu peux penser à autre chose. Oui, puis après ça, t'as un sentiment de fraîcheur qui est inégalé. Oui. Combien de temps tu te brosses les dents par jour? Écoute, j'essaye clairement matin, soir. Moi aussi, c'est seulement matin, soir. Je fais jamais après les repas. Inévitablement. Ouais. Des fois, dépendamment de ce que je vais manger le midi aussi. Mais ça dépend de ce que je mange. OK. Cool. Est-ce que t'as déjà accroché au principe? Là, tu sais, il y avait une pub à TV du truc que tu mettais sur le doigt. Là. C'est, je me rappelle plus c'est quelle compagnie qui faisait ça. Je pense Scope ou je sais pas trop quoi. Non, écoute, non. Ça, je pense que c'est la seule solution. Peut-être que Charles-Antoine Rioux de la chronique plein air pourra nous en parler, mais je pense que c'est genre un gadget de quand tu t'en vas en plein air puis t'as pas d'eau puis t'as pas grand chose à. Tu veux juste avoir une panalin. Ouais. Ou quelqu'un qui est bohème. Oui. Ben, c'est un peu comme se brosser les dents avant d'aller chez le dentiste, tu sais. Ouais. Ça sentait vraiment quelque chose, puis est-ce que le dentiste, il sait que tu t'es pas lavé d'autres l'année avant? Ouais. Je sais pas. En tout cas, bref. Sauf si t'as un gros morceau de persil pogné en haut. Mais parlant de gens qui veulent bien paraître de la bouche, mais à la place ici, ils vont bien paraître de la main, parce que tu sais que l'iPhone 5S est sorti récemment, il y a quelques semaines. Et tu veux looker avec ton iPhone 5 parce que t'es pas capable de permettre l'iPhone 5S. Moi, je suis allé voir sur le site de Bell, et si je voulais passer au iPhone 5S, vu que j'ai seulement un iPhone 5 depuis septembre 2012, ça me coûterait 600$ environ. Oui. C'est le prix de briser le contrat et le prix d'acheter le nouveau iPhone 6. Fait que là, 5S. Moi, avec mon problème d'eau qu'on connaît, je me suis dit, j'ai regardé aussi pour changer mon 4S oui. pour un 5S. T'as deux générations de retard. Oui, moi, je suis bien retardé. Puis, on dit tout le temps. Oui. Et puis, écoute, c'est le même prix. 600$ aussi, ça n'a juste aucun sens. Je pense que, Bell, tu peux changer quand t'as passé deux ans. Oui, puis dépendamment de ton contrat aussi, il y a des années, en tout cas. Ça a changé à chaque année, les règles changent tout le temps. Mais bon, tout ça pour en revenir à, vous voulez looker et avoir l'impression d'avoir un iPhone 5S, les gens vont vous dire, waouh, ton iPhone, il est or, waouh, c'est super cool. Non, pour 24$, tu peux transformer ton iPhone 5S avec des autocollants. C'est Mobile Phone qui sort ses kits de vinyle et chaque kit vient avec un ensemble d'autocollants qui va permettre de couvrir la couleur de votre iPhone 5 et avoir l'air d'un iPhone 5S. Présentement, donc évidemment, c'est difficile d'avoir un iPhone 5S couleur dorée, blanc et champagne. Moi, je le ferais pas. Non? Non. Quoi? Pas doré. Non, mais doré, on s'entend que c'est super kitsch. Ouais, je ferais pas ça. Il y en a qui aiment beaucoup ça pour vrai. Évidemment, tous les amateurs de la théorie du complot vont dire qu'Apple a fait exprès pour sortir aussi peu d'iPhone 5S doré. Je dois dire que dans ce cas-ci, ils ont probablement raison. Oui, oui. C'est rare que je cite une théorie du complot, mais oui, je pense qu'ils ont raison. Ben oui. C'est clairement ça. Mais bref, allez vous procurer ces autocollants-là et ayez l'air d'un douchebag. Ou d'une fille. Ensuite, pour vrai, c'est un iPhone de fille, le 5S doré. Oui, oui. On s'entend là-dessus. Qu'est-ce qui sent bon dans la vie le matin, Jean-Philippe? Question piège. Des nords de toast. Toast, du pain ménage. Oui. Ben panache, comme au début de l'émission. Oui. C'était à peu près une heure et demie. Ouais, mais c'est pas grave. Non, même deux ans. Mais bref, on la trouve drôle, nous. Ouais. Donc, les toasts, ça sent vraiment bon le matin et rien ne sent meilleur que ça. Et tu voudrais sentir la toast en tout temps. Donc, c'est Federation of Bakers qui sortent Eau de Toast. Eau de Toast. Des top modèles à la London Fashion Week ont porté cette odeur-là pendant la semaine London Fashion Week, évidemment. Donc, si vous avez plus de 18 ans et que vous vivez au Royaume-Uni, dans les Channel Islands ou Isle of Man, vous allez pouvoir vous procurer ces échantillons gratuits jusqu'à temps qu'il en reste plus. Sûrement qu'il en reste déjà plus, mais odeur de toast. Mm. Puis, il faut faire attention aux imitations parce que ça sent la toast brûlée. Oui, c'est ça. Tu sais, c'est pas ça, c'est pas agréable. Autant une bonne toast, ça sent bon, mais une toast brûlée... Ça dépend du pain. Du pain ménage, on dirait que ça sent meilleur. Ça reste l'odeur du pain brûlé. Et on dirait que c'est la seule chose qui fait partir les détecteurs de fumée chez nous. C'est les toasts brûlés. Le reste, t'as beau partir des saucisses dans le poêle, il y a de la boucane partout, ça part pas. Il y a un feu. Mais les toasts. Ah, c'est plate, ça. Ouais, moi, écoute, j'ai une anecdote. Est-ce qu'on a le temps d'une anecdote? Oui, vas-y. Peut-être en finissant, je sais pas trop. Je veux pas couper ça. Mais j'ai découvert, quand j'ai aménagé cet été dans ma maison, j'ai mis mon toaster à une place où je trouvais que le toaster allait bien. C'était beau visuellement. Oui, puis à un moment donné, je pars mes toasts. Et puis, j'ai découvert que les gens qui étaient là avant nous avaient laissé un détecteur de fumée en backup, si on veut, mais juste au-dessus Mais je l'avais, tu sais, il était pas installé, fait qu'il était comme à plat sur le haut d'une armoire. Ouais. Puis ça arrêtait pas de partir. Écoute, ah, il y avait la batterie dedans, toi, de son oui, fin. Oui, hein? ça partait. Je me demande si c'était un petit gag, genre pour rire ou. Mais écoute, je pense que je vais le refaire. Je trouve ça génial. Au prochain locataire. On dirait que juste la chaleur du toaster fait en sorte que ça part, puisque mes toasts n'étaient clairement pas brûlés. Déplaisant. Tu veux juste avoir chaud l'été puis ça part. Oui, là. C'est ça. Bref, c'était une anecdote avec un simili punch. Quand même, je te félicite pour ça. Je m'améliore. Tu vas dans le bon sens, cher Jean-Philippe. Merci. Tiens, on va, il nous en reste quelques-uns très rapides. Ça, c'est une lampe de poche, mais qui sert aussi d'ampoule. Donc, tu peux brancher l'ampoule dans le mur, ça sert d'ampoule. Et quand tu l'enlèves, tu peux t'en servir comme lampe de poche. C'est anodin comme ça. Mais ça te prend un escabeau pour l'enlever. C'est ça, c'est compliqué. Ça coûte 45$, c'est la bulb flashlight. Ensuite, un truc pour monter votre téléphone cellulaire sur votre voiture, mais qui fonctionne par aimant. Ah. Donc, tu branches le truc à aimant en autocollant sur le derrière de ton iPhone et le truc s'installe dans la voiture et puis tu peux faire bouger ça à différents angles. T'as la montre qui te dit combien de temps il te reste à vivre, donc 99 ans, 99, je sais pas, jours, 12 heures, 4 heures, en tout cas, ouais. Je t'érole. Donc, c'est juste ça, c'est anodin, rien à dire de plus. Et on saute au dernier, les breast shapers. Pour les femmes qui veulent pas avoir à porter une brassière, une brassière, c'est dur à magasiner. Ici, c'est du c'est un genre de faux silicone. Attends un peu, c'est vraiment fait pour ne plus porter de brassière. Vous l'avez en transparent, couleur pêche, genre peau, traditionnellement caucasienne. Café et espresso, ils ont vraiment choisi de très, très beaux noms pour ça. Et ça vient donc en plusieurs... dans le fond, c'est que ça va vous empêcher d'avoir à laver votre brassière. Vous aurez pu acheter de brassière. C'est des brush shapers, ça coûte 16$ sur Amazon en ce moment. C'est de la silipotie pour saint. C'est ce que j'allais dire, c'est de la saint-lipotie. C'est de la saint-lipotie. Saint-lipotie. Et voilà pour Sexy, ça devrait répondre là. Voilà. Oh là là, ça finit bien, je trouve. Oui, la saint-lipotie. Eh oui. Donc, on se retrouve demain avec une autre édition d'Assemblage requis. Soyez avec nous pour David Ferron et la langue dans ton oreille. Oui. Et ses impertinences par moment. François Landry va être de retour après un congé d'une semaine pour sa chronique habituellement politique Logocratie 101. Habituellement, mais divertissante quand même. Et finalement, le tour des sorties de la région et ailleurs avec Joanie Gagnon. Et alors, on sort. Voilà. C'est demain. À demain, Mathieu. À demain. Passe une belle journée sur nos ondes en écoutant le Dîner de con avec Danny Janvier qui s'en vient à 11h. Comme toujours. Ensuite de ça, en après-midi, c'est cool d'être ensemble avec les filles sages-femmes. Après ça, quelques rediffusions que vous avez peut-être manquées, le voyage de Célite et la vie en mauve. Je serai de retour à 16h pour le Mathieu Plante Show, l'émission Geek avec Marie-Ève Picard. On parle de télévision, internet, trucs comme ça. Nouveautés avancées technologiques. À 17h, toujours avec moi et Stéphanie Paradis. Dans ce cas-ci, c'est Palmarès et Fou édition Top 5. Et finalement, en soirée, c'est du rap avec Rap Fusion à 19h. Et voilà. Voilà. C'est.ca. Pour la programmation complète. Assemblagerequis.com pour... Oui, pour les balados de diffusion. Et les notes de l'émission, bien sûr. Exactement. Tous les liens sont là. Vous pouvez nous suivre sur la page Facebook, c'est fou. Ou Assemblage Requis. Oui, ou si vous voulez nous suivre, vous pouvez aussi venir à nos bureaux puis nous... Tout le temps être derrière nous. Puis nous faire peur. À demain. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye.